C'est fini pour ce soir là. Grosse émission encore avec vous. On a appris que le doc, s'il était une femme, serait une petite salope. Non, il a dit grosse. Et Karima aimerait bien se faire sucer si elle était un homme. Ouais. Ah, c'est intéressant tout ça. Toi, t'as dit que tu te ferais défoncer. Alors, excuse-moi, ah oui, c'est pas mieux. Moi, je me ferais prendre en levrette. Voilà. J'aimerais bien savoir quel effet par ça devant, fait. Par devant, par derrière. Ah, par derrière, la levrette, doc. Monsieur, non, mais pas de pseudo. Pas de sodomie. Pas de pseudo. C'est pas ça, de sodomie. Oui. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio, on sera là. Ah, il a peur, hein. Il a peur pour son anus. À 20h. Touche pas à mon anus. Non, pas de sodomie. Je veux pas qu'on me touche ma rondelle. Par contre, j'en connais un qui ça ferait plaisir. Et oui, et il a même bien plus d'ailleurs apparemment. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va salut, bien. Mickaël. Bon, on avait rencontré le nouveau mari de Karima. Je mouille. Ah là là, c'est énormément. Mais c'était qui, hier c'est soir. Qui c'est Jean-François. Oui, il avait ah, il n'y a plus de Gilou alors. Mais, non, si, t'inquiète pas, il y a aussi. Hein. Si tu es une femme, tu fais quoi toi? Oh, si je suis une femme, je pense que je peux péter la gueule à Toff. Je lui fais style, je suis intéressé par lui, et puis je lui coupe la bite. Oh, voilà. C'est pour venger toutes les meufs, il s'est foutu de leur gueule, donc c'est. Ah, y a un moment, bravo, Mickaël. Non, mais il y a un moment, faut les venger, tu vois. Je suis un petit peu le Robin des Bois des meufs. Ah, ouais, monsieur, ouais. Je savais que t'étais comme ça. Mais je sais. Bon, quand tu veux, Karima. Jean-François. Voilà. Jean-François. Jean-François. Il va jouer. Jean-François. Oui, il avait effectivement. Ah, mais il faut hurler son nom en fait quand tu couches avec lui. Oh la voilà, catastrophe. Voilà. Exactement, oui. C'était tout un programme hier soir. Enfin, Jean-François, je t'embrasse. Mais je te donnerai son numéro de téléphone. Il va jouer 20 fois de suite. Exactement, oui, c'est impératif. Sinon, il me ferait hurler en tout cas. Non, bah t'inquiète pas, je te le présenterai avec plaisir. Merci, bon, Mickaël. C'est toujours que je peux compter sur toi. Bah, toujours, tu sais bien. Bisous. Gros bisous à vous. Salut, bonne émission. Et on est parti jusqu'à 2h du mat. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ben évidemment qu'on est en direct à la radio tous les soirs, là, 23h01 sur Fun Radio. Bienvenue à vous. Alors, on commence directement très fort avec un message de Je pénètre ta touche sur le Twitter qui dit il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Oui, on est là. Il y a la petite fée également que j'embrasse. Coucou mes amours, pour une fois j'ai de l'avance. Bonne soirée en perspective. Ouais, t'inquiète pas, elle serait bonne. Et si elle est aussi bonne qu'hier, je pense qu'on va vraiment bien se marrer, puisque si vous n'étiez pas là hier soir, eh ben vous avez raté un grand moment avec notre ami Jean-François. Voilà, qui était avec nous, qui était au taquet. Hein. Ah, il mouille. Eh oui, il mouillait, exactement. Si, je commençais à bander, mais faut que je boive un café avant. Voilà, il va absolument boire un café, évidemment, juste avant. Hein. Ouais, je veux bien qu'elle me brande, je veux bien. Ah, oh, c'était magnifique. Jean-François, donc, a un grand talent de venir, encore une fois. Hein. C'est, on l'aura peut-être encore ce soir, allez savoir. Bon, quand je vous dis qu'il se passe enfin quelque chose à la radio le soir, je ne mens pas, justement. Et c'est comme ça, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et tous les dimanches, de 20h à minuit. Il y a Caïs aussi qui est avec nous de Saint-Etienne. Là. Comment va le Stéphanois? Ça va, et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal, hein, plutôt en pleine forme. Bah ouais, vous avez fêté la victoire là par rapport à Monaco? Bah, allez les verts. Allez les verts. Eh ouais, ça se passe bien là pour les verts. Hein. Bien sûr, ça se passe bon, très bien. Pourvu que ça dure, la saison n'est pas finie encore. Il faut. Eh oui, il vaut mieux. Bon, t'as écouté l'émission d'hier ou pas, Tocaïs? Non, j'ai pas écouté hier. Oh là là, t'as raté Jean-François, ma gueule. Oh là là. Oh, c'était catastrophique. Je prends en levrette par l'anus. Voilà, prends en levrette par l'anus, bien sûr. Bon, c'est pas grave, tant pis, hein, Caïs. T'as passé une bonne journée quand même? Ouais, j'ai passé une bonne journée. Hein. Bon, t'as fait quoi? Bah, rien de spécial, la chicho, et c'est un petit peu. D'accord, ok. Ah, bah, une bonne journée de glande, et tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. T'es maçon, d'accord, ok, très bien. Bon, maçon, Kias, Saint-Etienne, 24 ans, je pense qu'on a fait les présentations, donc tout va bien. Ouais. On va parler de quoi dans quelques minutes, toi, avec toi, Caïs? Bah en fait j'ai trois copines en fait et je sais plus comment m'en sortir donc Oh bah ça va, t'inquiète. Tu te mets bien toi mon cochon hein. C'est une question d'organisation. Ouais c'est clair, tu te mets plutôt pas mal même. Bon bah, on en parle. Faut. Ah bah oui, on en parle dans quelques minutes, Caïs, reste avec nous là. Et comme tous les soirs là, c'est vous qui faites l'émission avec nous, alors appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On parle ensemble de ce que vous voulez. Sandro va bien également, en pleine forme? Ouais, ça va. Ouais, ça va, je suis en standard, je suis débordé. Ah là là, ça sonne. Complètement débordé. Toff qui était impatient de retrouver ses nouveaux amis, ah, évidemment. Oui, ils comme sont d'habitude. Tellement je vais te prendre et je vais te baiser pendant 11 heures, mon gars. Ah oui, je vais vous faire soigner, bouffon. Eh ben, bouffon, exactement. Encore plein d'insultes qui arriveront ce soir. On va trouver un nouveau thème, bien sûr, pour les appels de Toff. Et puis, d'ici là, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas, vous demandez, enfin vous envoyez plutôt sur le mail de Toph, toph@fanradio.fr. Et Polo qui continue souffrir. Oh, je ne suis qu'une souffrance ambulante. Ouais. Si vous êtes kiné, venez soulager ce pauvre homme. Ouais. Depuis qu'on a fait les Jeux Olympiques il y a 2 semaines et la trottinette la semaine dernière, il va très très mal. J'ai mal partout. Il a mal partout, une vraie catastrophe. On accueille également Nicolas de Marseille. Salut Nicolas de Marseille. Nicolas. Ah, il est là. Comment ça va, Nico? Bien. Bon, bah tant mieux alors. Bon, bah Nicolas de Marseille, alors, toi t'es là pour faire la colle de ce soir. T'étais à l'écoute de l'émission hier ou pas? Oui. Ah, t'as entendu Jean-François? Ah oui. Ah, grand moment. Le beau Jean-François. Il y en a beaucoup qui voulaient qu'on repasse le moment où on avait mis Jean-François hier pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que... Alors dites-nous hier, est-ce que vous étiez à l'écoute de la radio, à l'écoute de Fun Radio hier soir entre 23h et 2h du matin. Donc dites-moi oui ou non si vous n'étiez pas à l'écoute et que je vois qu'il y en a beaucoup. Bah, du coup je remettrai le moment où il y a Jean-François qui était avec nous. Et si je vois que vous avez tous entendu, bah, à ce moment-là on va pas le remettre puisque vous l'avez déjà entendu justement. Tiens, Nicolas, tu voudrais le réentendre ou pas toi? Oui. Ah carrément, toi t'as déjà entendu mais tu veux le réentendre, très bien, ben, on verra ça tout à l'heure. Bon, alors Nicolas, t'es là pour la colle toi, pour repartir peut-être avec la tablette Samsung Galaxy Tab 3 ou alors la Nintendo 3DS XL. Tu choisirais quoi si tu gagnes? La Galaxy Tab 3, eh ben on verra ça dans un instant. Nicolas, fais péter la colle maintenant, vas-y on t'écoute. Et alors, qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit et qui pourtant monte mais ne grandit pas? Alors, qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit, qui monte mais pourtant ne grandit pas? C'est ça? Oui. Pour le coup, je n'en ai aucune idée. Bon, si vous avez la bonne réponse, hein, allez-y. Hein. Bah, Polo, t'avais une idée, non? La bite? Non, c'est la bite ou pas? Non. Ah, non, bah, non. Bah, un jour viendra. Ah, j'espère. Bon, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique, et je vous mets la colle avec les... je vous mets un post pardon avec la colle dessus, comme ça vous allez pouvoir la lire, ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc facebook.com/mickaël officiel. J'ai fait une nouvelle photo, une photo comme Polo les aime bien, où j'ai la bouche ouverte comme ça avec non, parce qu'il aime bien depuis hier, j'en mets comme ça. Alors j'essaye à chaque fois de trouver une nouvelle idée pour mettre la photo, donc c'est bon, j'en ai trouvé encore une, j'espère que j'en aurai une nouvelle demain. Il aime bien. Voilà, pas donc facebook.com/mickaël officiel, je vous mets ça dans quelques minutes. Idées à Polo. Et je sais pas ce que ça lui donne comme idée, mais bon, t'as envie d'écouter un son en particulier, Nico, toi ou pas? Oui, The Flute de Martin Garrix. The Flute de Martin Garrix. Alors ça c'est un problème parce que c'est pas du tout lui qui chante quoi. Donc enfin c'est pas lui qui a fait la chanson. Donc soit c'est New World Sound, soit c'est Martin Garrix, le nouveau que je te mets qu'on avait fait découvrir sur Fun Radio, le nouveau de Martin Garrix. Bah New World Sound. Ah bah New World Sound, d'accord, ok. Alors New World Sound pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Voilà, New World Sound avec The Flute, très bien. Et toi Caïs, t'as envie d'écouter un son particulier? Non, ouais, la même chose, Martin Garrix. Eh bah, donc c'est pas la même chose, hein. New World Sound et Martin Garrix, c'est pas la même chose, les mecs. Hein. Ah, je me suis trompé. Bon, mais y a pas de problème. Sinon, je vous ai calé le nouveau Pharrell Williams également. Histoire de chiller pendant que Toph va chier. Eh oui, ce sera Marilyn Monroe. Je vous cale aussi Clean Bandit, Rather Be. On va se mettre bien. Et puis un de mes sons préférés, la Major Lazer et Shanna Paul. Voilà, ça sera Come To Me. Polo ? Ouais. Ta gueule. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça là. Hein. N'est-ce pas ? C'est quand même vachement mieux quand il se tait, n'est-ce pas Nicolas ? Oui. Et on est d'accord. Bon, on va vite parler aussi du classement des villes les plus chères du monde qui vient de sortir. Et à votre avis, quelle est la ville numéro 1 au monde où tout est cher ? Une idée, Nicolas ? Non, pas du tout. Du hasard, on verra bien. Très bien, mais ça me paraît pas mal. Caïs ? Londres. Ah ! Non, c'est pas ça. Alors, je vous aide un peu. Ce n'est pas Bombay en Inde. Ce n'est pas Karachi en Pakistan. Ce n'est pas New Delhi en Inde aussi. C'est pas Katmandou au Népal. C'est pas Damas en Syrie. C'est pas Alger en Algérie. C'est pas Bucarest en Roumanie. Ni même Panama City au Panama. Ni Jeddah en Arabie Saoudite. Ni même Riyad en Arabie Saoudite non plus. Qui sont, les 10 dernières du classement. Hein. Ah oui, donc c'est les villes où ça, si on y va, ça coûte pas cher. Voilà, ça coûte pas cher. Bon, je vous aide encore un petit peu plus maintenant. Ce n'est pas Zurich en Suisse qui est 4e, Sydney en Australie 5e, Caracas au Venezuela 6e, Genève. Caracas c'est cher. Eh ouais, Caracas c'est cher, ouais. 7e Genève en Suisse, Melbourne en 8e place en Australie, Tokyo en 9, c'est au Japon, et Copenhague au Danemark en 10. Mais quelle est la ville la plus chère du monde? Si vous avez une idée, n'hésitez pas, bah, venez nous le dire. Tiens, je vais vous poster le poste, je vais vous poster justement le poste, c'est le cas de le dire, sur le Facebook et le Twitter de l'émission maintenant. Allez nous donner votre avis maintenant. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc si vous avez une idée, quelle est la ville la plus chère du monde? Il y a des messages qui arrivent en disant c'est New York. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être ça, mais c'est pas le cas en l'occurrence. Donc si vous avez une idée, facebook.com/michaelofficiel. On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous pour la colle, Nicolas. Et puis alors Caïs, avant d'écouter le son de Britney Spears qui va débarquer dans quelques minutes, eh ben toi tu nous appelais parce que t'avais plusieurs meufs en même temps. C'est ça, t'avais du mal à gérer. Voilà, je sais plus quoi faire en fait. Bah peut-être faire le ménage, choisis-en qu'une seule. Ouais, mais bon, c'est compliqué. Bah non, ouais, t'as raison. Comment ça, c'est compliqué? T'es avec la meuf avec qui t'es depuis le plus longtemps, ça fait combien de temps? Bah en fait, je suis pas avec une meuf depuis longtemps, c'est les trois, elles sont en même temps en fait. T'es avec trois meufs en même temps, bah ça va, tu te mets bien toi, hein? Ouais, il a raison. Hein, mon cochon, tu te mets bien là. Hein. Ah oui, bah bien sûr qu'il faut profiter. Ouais. Bon, et donc, il y en a aucune qui est au courant, évidemment. Voilà, non, exactement. Mais non, faut jamais leur dire. Ouais, t'es un peu comme Toff, tu leur fais croire, tu leur fais miroiter monts et merveilles, et au final, rien quoi. Voilà. Bah ouais, bah évidemment. Bon, on en parle dans quelques minutes. Les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous être fait prendre pour des connes par des mecs qui vous faisaient croire justement que vous étiez la seule et unique et qu'en fait pas du tout? Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous Caïs, pareil si vous êtes un mec, hein. Tiens, il y a Euskal qui proposait Singapour, Antoine Dreams qui proposait Monaco, Marikel qui proposait Qatarville, Mizu qui disait ah oui, remettez le moment où il y avait Jean-François hier soir, le Parisien qui dit c'est évident, c'est Tokyo. Eh ben non, Tokyo est 9e, figure-toi, donc c'est pas la bonne réponse. Tommy qui dit remets-nous Jean-François hier, j'étais pas de 23h à 2h. Il y a Ballon BG qui dit Annecy, c'est la ville la plus chère du monde, lol. Bah oui, Annecy, oui, c'est clair. Non, sinon il y a Metz, hein. La ville la plus chère du monde, hein, je plaisante. Madrid pour Chris, c'est pas ça. Roms qui dit faut le remettre, JF, il était chaud hier, ça c'est clair. Je pénètre ta touche sur le Twitter qui dit allez Mickaël, envoie-nous du Jean-François. Bon bah on va le remettre, vous inquiétez pas, on va le remettre, y a pas de problème. Ce qu'on va mettre également, c'est Britney Spears dans quelques minutes sur Fun Radio et ce sera Till It's Gone, bienvenue. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël, no limit, 23h-2h. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, en direct comme tous les soirs dans toute la France, hein, juste après Love in Fun, notez-le bien, 23h-2h du matin, on est là avec vous, et tous les dimanches également, de 20h à minuit. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on sera à Neulémine, c'est au Whiz Club, ce sera vendredi soir vers minuit, 1h du mat. On va débarquer avec toute l'équipe pour faire la teuf avec vous, et puis surtout on aura plein de cadeaux, donc si vous voulez venir, eh ben vous êtes les bienvenus, et en plus on a des places à vous offrir, hein. Vous faites un mail à sandro@funradio.fr. Samedi on sera au Havre et on va venir au Caliente. On aura l'occasion aussi de faire un petit laser game ensemble. Ouais, on va faire un laser game, je vous donnerai l'adresse également tout à l'heure pour venir nous rejoindre là aussi, sandro@funradio.fr, pour demander des places. Et vous viendrez, on passera comme ça le week-end ensemble et ça va plutôt être cool. Bon, comme ça vous faites passer le message autour de vous. On se déplace demain, vendredi, à Neulémine. Et puis tout simplement au Havre, ce sera donc samedi soir. On va revenir avec tous les messages qui arrivent en direct sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On parlera du top tweetos et on écoute le son de Britney Spears maintenant, c'est Till It's Gone sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Et le son de Britney Spears à l'instant, c'était Till It's Gone sur Fun Radio, il est 23h17. Et puis restez bien là, puisque je vous cale dans un instant le son de David Guetta, ce sera Shut Me Down sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh bah évidemment, vous pouvez venir réagir bien sûr en direct sur Fun Radio tous les soirs. On est là, prenez le contrôle de Fun. Ça se passe tout simplement, donc par SMS, comme on vient de vous le dire. bière. Sinon, par téléphone, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et sur le Facebook et Twitter, t'as bien sûr tapé Mickaël officiel. Je vous avais demandé quelle était la ville la plus chère du monde. Alors, il y a Anaël. Non, déjà, je vous ai mis le post et le Facebook et le Twitter hein, sur Facebook et Twitter. Donc, le post, vous pouvez bien sûr aller donner votre avis là-dessus, donner vos réponses. Il y a Amel sur le Facebook qui proposait Tokyo. Non, et c'est 9e Tokyo, la ville la plus chère du monde. Il y a Roms qui proposait Moscou. C'est pas ça. 69 degrés sur le Twitter qui dit non, je pense que c'était ma ville la plus chère du monde car on a la 8e merveille du monde, en l'occurrence moi. On balle un petit peu 69 degrés. Hein. Mégalo. Ouais, Julia qui dit j'ai croisé un grand sac poubelle, j'ai tout de suite pensé à Toff, un coup de pelle dans sa gueule pour délit de mocheté avec plaisir. Voilà. Hop là. Il y a Geoffrey aussi sur le Twitter, Monaco je pense, non c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marikel qui proposait Tokyo ou Oslo. Alors non, vous avez rien écouté de ce que j'ai dit. Hein. Tokyo est 9e et Oslo bah est 3e. Voilà, je vous donne quelques informations supplémentaires. Donc Oslo est 3e, il y a Mystique qui dit moi j'étais là et franchement ça. Ça me ferait plaisir de réécouter le petit Jean-François hier soir. Ah bah ouais, on a eu un auditeur hier, c'était de la folie totale. Je vous remettrai le passage là, il était juste énormissime. Jean-François, je suis Jean-François. Le mec s'est branlé en direct, c'est la folie. Il y a Antoine Dreams aussi sur le Twitter qui dit oh pauvre Polo qui a mal partout. Et Planeur Instantané qui dit putain, le mec a pas une copine à me prêter. Ouais, l'autre il en a 3, alors on va le récupérer dans quelques minutes, le Caïs. Donc continuez à donner votre avis. À votre avis, quelle est la ville la plus chère du monde? Bon, on connaît la numéro 3, c'est Oslo en Norvège. En 2 et en 1, quelles sont les deux villes et quelle est la première, la ville la plus chère du monde? Je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que je l'ai même donné à l'antenne la réponse. Donc réécoutez bien. Bon, 23h19 sur Fun Radio, Mickaël No Limit avec dans quelques minutes les appels de Toff. Et puis on va également se faire, comme tous les soirs bien entendu, cette grande. Ce grand jeu, enfin comme tous les mardis, non, soir, tous les mardis ouais. Ce grand jeu bien sûr qui est le jeu de la. Rupture. Il y a Gabriel qui est avec nous là. Salut Gabriel. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Bah ça va bien ouais. Salut Gabriel. T'appelles pour la ville toi? C'est quoi ton avis? La ville la plus chère du monde? Mon avis c'est Dubaï, non? Dubaï. Ah non. Non, c'est pas ça Gabriel malheureusement là. Tant pis hein. Bon bah tu retentes ta chance quand tu veux. Attends, il y a Mohamed aussi qui a peut-être lui la réponse. Salut Mohamed. Salut Mickaël. Comment ça va à Chartres? Ça va, écoute, bon, super bien. Bon, tant mieux. Passez une bonne journée, Mohamed. Bah écoute, ouais, super. J'attends ma soeur devant la gare, là. Ah bon, elle vient d'où? Elle revient d'où, là? De Paris, parce qu'elle est à l'école à Paris, donc je la récupère le soir. D'accord. Ah ouais, elle fait Paris-Chartres tous les jours. Voilà. D'accord. Bah, yo, putain. Mission. Et qu'elle passe nous voir, un de ces quatre. À toi, il la ramènera. Mais avec plaisir. Bah, elle prendrait sur mon scooter. Non. Garde ta soeur proprement. Ouais, garde ta soeur au propre, c'est mieux, elle va être dégueulasse. Ouais, après, elle va être salie. Parce que si elle vient, elle va faire des malheurs, c'est pour ça. Donc. Ah bah alors elle peut venir, hein, si elle va faire des malheurs. Ça dépend quoi, elle va tuer tout le monde ou elle est super mignonne? Oui, elle est mignonne, mais elle va toujours vous taper. Donc, oh bah voilà, moi je risque rien, hein, c'est surtout off à ce niveau-là. Mais bon. Bon, Mohamed, d'accord. C'est quoi pour toi la ville la plus chère du monde à ton avis? En fait, je voulais savoir, c'est 2013 ou 2014? 2013 du coup, parce que 2014 c'est pas fini, donc on va pas le savoir. D'accord, bah 2013 je sais que c'est Moscou, mais 2014 c'est Singapour je crois. Ah bah non, c'est pas possible, 2013 on a pas... Non, à mon avis tu dis 2012 c'était Moscou, ouais, c'est... et encore c'était même pas le cas, c'était Tokyo. C'était le classement qui est de 2011 qui est sorti en 2012, et maintenant on a un classement de 2013 qui est sorti en 2014. 14. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai regardé ça par hasard cet après-midi sur Wikipédia. Enfin, en tout cas 2013 c'était c'était Moscou. Parce que c'est bizarre de dire la ville la plus chère en 2014 alors que l'année a commencé depuis 2 mois, tu vois. Bah ouais, oui, mais c'est bizarre. On va dire le dernier en date. Voilà, comme ça au moins on est tranquille. Donc, alors le dernier en date, donc tu dis quoi alors finalement? Tu dis Londres ou tu dis quoi? Moi je dis Singapour. Eh oui, Singapour, effectivement. Ouais. Ouais. Eh bah bonne réponse. Eh bah ouais, c'est Singapour, la ville la plus chère du monde. Alors j'ai jamais été, mais. Je sais pas pourquoi c'est la ville la plus chère, hein, je vous dirai ça le jour où j'irai. Mais c'est. Alors en 2, il y a Paris quand même, hein, la ville la plus chère du monde. Ah ouais, Paris, la deuxième ville la plus chère du monde, apparemment. Hein. En même temps, on s'en rend bien compte. Hein. Ah ben, on s'en rend bien compte, hein. Surtout si vous allez bouffer une pizza sur les champs, je peux vous dire que vous payez bien cher. Hein. Ça reste quand même moins cher que Londres. Bah, et apparemment pas. Hein. En tout cas, d'après les loyers, classements, c'est bouffe, pas le cas. Ça coûte une couille. Bah, quoi, je sais bien, mais d'après les classements, c'est pas le cas. Mais il y a d'autres prix qui sont vachement moins chers à Londres. Moi, je lis ce qu'il y a marqué sur le classement. Hein. Bon, bah, Gabriel, bah, merci d'avoir participé quand même. Mohamed aussi, merci beaucoup. Et puis t'embrasses ta soeur. Y a pas de souci. Comment elle s'appelle ta soeur? Shaima, eh ben on l'embrasse. Salut à vous deux, à bientôt. Merci, c'était gentil, bonne soirée. Ciao. On va récupérer Caïs dans un instant avec Sabrina et Thomas qui voulaient réagir. Caïs qui a trois meufs en même temps, il est complètement débordé le pauvre. Il est, bah oui. Il est, oh là là, il est au bord de. Il est débordé. Il est débordé. Plus où donner de la bite le pauvre. Ça s'appelle l'asphyxie, voilà. Bon, il faut que je vous parle également d'un mec qui s'est retrouvé, il s'est trouvé un nouveau kiff. Il se branle dans des tartes à réchauffer au micro-ondes. Non mais ça s'invente pas quand même. Donc, alors, non, le gars se croit dans American Pie en fait. Donc il met en ligne des vidéos de ses petits plaisirs solo. Alors il s'est fait virer de Twitter, de Vimeo également, qui ont moyennement apprécié que le mec en fait recommande des pratiques à tous les célibataires. Et en temps, et donc du coup tant qu'on est dans les pratiques cheloues justement, il y a un mec qui porte plainte contre Domino's Pizza. À votre avis pourquoi? C'est une histoire de branlette. Alors Caïs, est-ce que t'as une idée de pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il a porté plainte contre Domino's Pizza le mec? Trop de piment? Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée, c'est par rapport à ce que je viens de dire hein. Ouais, il s'est branlé dans la pizza, non? Il s'est branlé dans la pizza, c'est vrai, mais pourquoi il a porté plainte? Trop de fromage? Non. Trop de pepperoni. Trop de poporine. Ouais, trop chaud, effectivement, ouais. Effectivement, il s'est brûlé la bite en se branlant dans la pizza et il porte plainte. Et il porte plainte parce qu'il n'y avait pas d'interdiction sur la boîte. Il n'y avait pas marqué sur la boîte interdit de se branler dans la pizza qui risque d'être trop chaude. Et ça, c'est très américain, ça. Bah oui, mais surtout s'il gagne, le mec, t'imagines, c'est quand même un truc surréaliste. Eh bah, venez nous dire, vous, si vous avez des techniques particulières pour vous faire des petits plaisirs solitaires. Tof, n'hésitez pas, appelez-nous, hein. Tof, il prend un gant de toilette, il met des nouilles chaudes dedans, il se branle dedans. Ouais, ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça devrait, ça, pourquoi pas, ouais. Tu devrais essayer dans le Giant. Dans le Giant? Ouais, je sais pas. Bah vas-y, dis comme l'autre. Vas-y, si tu veux, moi je m'en fous. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Mais on quelle fait horreur. Comment je me mets entre les deux tranches de pain ou je fais un trou au milieu et je le passe comme ça? Non, ça ira, je préfère pas savoir. Bon, on va donc appeler des gens, tu vas leur demander s'ils sont déjà masturbés, avec quoi, des aliments en l'occurrence? Bah oui, quels aliments ils ont déjà utilisés pour se masturber? Voilà, ça me paraît un bon plan. Si vous avez des numéros de téléphone de Jean Cordebois Storcy, n'hésitez pas à les faire partager et à les faire tourner sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Et donc venez nous dire, vous, si vous avez des techniques particulières pour vous faire des petits plaisirs en solo. Bon, Caïs, avant de faire le jeu de la rupture, là, on va prendre Sabrina qui nous appelait également d'Annecy. Salut Sabrina. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien Sabrina, sois la bienvenue. Alors, t'appelles d'Annecy, toi, dans les en Haute-Savoie, et je rappelle qu'on va bientôt venir dans les Alpes du Sud. Oui, ah, voilà. Okay. Ce sera à Orstières, tout près de Grenoble. On y sera les 14 et 15 mars pour faire un peu de ski, un peu de snow avec vous. D'ailleurs, on a besoin d'auditeurs pour faire des conneries sur place. On a besoin d'auditeurs pour faire un défi. Donc, on a besoin d'une dizaine d'auditeurs. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus à Orstières Merlette 1850 pour faire ce défi avec nous. Et puis, bah, le dimanche, on cherche toujours un endroit pour faire l'émission en direct de chez vous. Donc, si vous êtes sur Grenoble, Chambéry, Lyon, Valence, etc., n'hésitez pas à me faire un mail maintenant, mickaël@funradio.fr. Si vous voulez nous accueillir, on vient avec un peu de matos, mais pas beaucoup, rassurez-vous, non. On va pas vous ravager l'appartement, loin de là. Et on a quand même un petit truc. On a quand même un petit défi à faire chez l'auditeur aussi. Ouais, on a un petit défi, mais bon, voilà, normalement ça cassera rien en théorie. Normalement. Et si jamais quelque chose est cassé, Tof a dit qu'il était assuré. Ouais. Donc rassurez-vous, voilà. Donc si vous voulez nous accueillir et qu'on vienne faire l'émission en direct de chez vous, eh ben dites-le nous, hein, mickaël@funradio.fr. Alors exceptionnellement, on impose plus ou moins la limite géographique à Grenoble, Lyon, Valence, puisqu'on sera dans le coin. Donc nous, ça nous arrange d'être sur place, donc Chambéry également. Je compte sur vous, les auditeurs. mickaël@funradio.fr. Bon, alors Sabrina, tu veux donner ton avis par rapport à Caïs, toi qui sort avec plusieurs meufs en même temps. Il est sorti avec les trois plus ou moins au même moment, et là bah, il se tape toujours les trois en leur promettant mons et merveilles, mais là il est un peu perdu. Voilà, il est un peu perturbé, il est un peu perdu quoi. Oui. Alors, non, moi je voulais juste témoigner parce que moi je suis quelqu'un qui, en fait moi j'ai eu une relation avec quelqu'un qui avait une relation avec d'autres personnes aussi en fait. D'accord, j'ai une relation avec quelqu'un qui avait une relation avec quelqu'un. Ouais, donc c'est pas moi. Hein. Va savoir. Et c'est peut-être toi, notre, à savoir. Non, c'est pas possible. Non, il est trop loin. On ne sait jamais. Ah, ça y est, putain, l'autre, il a deux mètres 39 et il est en train d'essayer de pécho, quoi. Je ne crois allez, pas. La quatrième. Je ne le crois pas. Non, ça ira. Pas de soucis, t'inquiète. Donc, voilà. Bon, et donc du coup, alors comment tu l'as vécu, toi? Comment t'as appris tout ça? Bah moi c'est elle qui m'a contactée. Ah c'est la meuf qui t'a contactée? Oui, donc via Facebook, hein. Qui m'a trouvée sur Facebook et qui m'a raconté qu'elle était avec lui en même temps qu'avec moi. C'est énorme ça. Ouais. En fait c'est une personne qui travaille de nuit, donc moi je me suis doutée de rien en fait. Il fait de la radio? Ouais. Donc voilà. Ah il fait de la radio? Non, il fait pas de la radio. Ah, parce que toi, vous posez la question, tu dis oui, je me dis merde, c'est une blague ou quoi? Non, j'avais pas entendu. Non, non, non, peut-être qu'on se connaissait, je me souvenais pas et tout. Non. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, et donc du coup, c'est fini avec lui, tu l'as insulté, t'as fait quoi? Tu l'as brûlé? Non. Oui, je l'ai brûlé vif. Non, je lui ai pardonné. Oh, Sabrina, quoi? Sabrina, merde! C'est mignon, ouais, Sabrina. J'ai pardonné. Non, mais c'était, en fait, il était déjà avec elle quand on a commencé la relation et donc il était un peu perdu et puis moi aussi au début. Et bon, après, il s'est avéré qu'il a continué, mais bon, il a décidé de lui pardonner parce qu'il a fait pour moi. C'est ça qui est dingue. Moi, j'aurais fait un tiers, je me serais fait lâcher, démonter. Mais moi aussi, j'aurais juste fait. Je n'aurais juste. Juste embrassé. Ouais, non, non, juste branlé en pensant. Ouais. Voilà, déjà directement. Casse-toi, connard. Casse-toi, sors de la maison. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois que je lui ai pardonné, mais c'est très compliqué et c'est proche de la fin. Ah oui, mais c'est clair, c'est clair. Il n'y a que les cons qui cherchent pas d'avis. De quoi ? Il n'y a que les cons qui cherchent pas d'avis. Ouais, bah juste, ouais, bah enfin bon. Ouais, justement, mais c'est pas bien ce qu'il fait, ça fait énormément mal. Non, c'est mal. Il y a Lucas qui dit, moi j'étais la semaine dernière en retire, là, c'est dommage. Bah oui, c'est con, Lucas, effectivement. N'est-ce pas qui dit sur le Twitter, le gars mériterait de se faire lyncher par les trois meufs. Et je pénètre ta toche sur le Twitter qui dit, pour s'exciter en solo, tu mets de la bave sur ton gland et tu le prends en mode joystick et tu te branles avec l'autre main, c'est l'extase. Bah attends, on va essayer ce soir. Mais bien sûr. Évidemment. Moi, je note toutes les bonnes expériences. J'imagine. Merci Sabrina, je te fais des gros bisous. Tu peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y en speed, on t'écoute. Bah, choisis la bonne personne. Une dédicace à mes BDP. D'accord. À te reconnaître. Eh ben, le message est passé. Salut Sabrina, merci, je te fais des bisous. Salut, salut. Caïs reste avec nous. Il y a Thomas qui voulait réagir à toi. Et puis on va se faire également le jeu de la rupture juste après le son de David Guetta. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, il est 23h29 sur Fun Radio. Là. Bienvenue si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit avec la colle de Nicolas. On va en parler dans quelques minutes. Et rejoignez-nous également sur Facebook et Twitter. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Je vous attends. David Guetta, c'est Shut Me Down. On écoute le son dance floor maintenant sur Fun. I was 5 and he was 6. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'elle. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ouais, on est en direct sur Fun Radio, là, 23h32. Il y a Echo sur le Twitter qui dit, il y a des meufs cool quand même. Hein. Parfois avec mon ex, à peine je parlais à une meuf, c'était cash, allez, va voir ta pute. Ah putain, ça je pourrais pas là. Et la petite fée aussi qui dit, plaisir solo, bah boule de geisha carrément. Pourquoi pas, ouais. Fred S34 se branle avec des aliments en beurk. Et Hugo qui dit, moi c'est le poireau. D'accord, pourquoi pas. Bon, on parlait ça justement. Avec ou sans les poils? Ah bah je sais pas. Donc on en parlait puisqu'il y a un requin qui s'est... Comment dire, qui se branlait dans des tartes à réchauffer au micro-ondes. Et il y en a un autre qui s'est branlé dans une pizza Domino's Pizza. Et il porte plainte contre Domino's Pizza parce qu'il s'est brûlé la queue dans la pizza. Et il était pas marqué sur le carton qu'on pouvait pas se branler avec. Ah bah oui, mais c'est normal, alors il a raison. Ah bah c'est ça, voilà. Donc du coup on va appeler des gens pour voir si... S'ils sont déjà branlés avec des aliments? Bah oui, évidemment. Bon, grâce au numéro qu'on a reçu là sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, on y va et on appelle et on va jouer avec Corentin et Aurélie dans quelques minutes au jeu de la rupture. Ça arrive dans 2 minutes sur Fun Radio, restez bien là. Peut-être même plus vite, ça ne décroche pas. Allez. Et allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments, monsieur. Je t'emmerde, espèce de gros bâtard que tu es, là. Oh, bah non, monsieur, pourquoi vous me dites ça? Pourquoi tu me poses cette question-là, espèce de gros PD là, que tu es, là, ok? Bah... Si je fais, moi, mais tu es fou, toi, c'est un fou, toi. Bah, c'est juste... un fou dans ta tête, là. Mais pas du tout, monsieur, c'est juste pour savoir si vous l'avez déjà fait. Ouais, va te faire enculer, gros PD là, que tu es, là. Je vais te mettre une banane dans le cul, gros bâtard que tu es, tu vas avoir un connon, là. Oui, mais vous l'avez déjà fait, monsieur. Ah, on l'avait déjà eu, lui, non? Ouais, il me semble que c'est... Je vais te brûler la tête et tu vas voir ce que c'est. Je crois qu'on l'avait déjà eu, putain, je me souviens plus ce qu'il avait dit. On a dû encore nous refiler son numéro. Faites gaffe à pas les envoyer plusieurs fois. Ouais, mais enfin, lui, il est bon, donc on va le rappeler. Hein. Ouais, mais bon, peut-être un jour, il va... Il va débarquer, mais il va te tuer, c'est pas grave. Ah, bon on y va. Ça, d'accord. Tant qu'il nous tue. Bah, nous, principal. Allez. Oh, PD que tu es. Oh, PD de pas. Oui, c'est... Oui, ah je m'excuse monsieur, mais faut pas le prendre. Tu te souviens que tu veux, fils de putain là, hein? Je veux juste savoir si vous êtes déjà masturbé avec des aliments, mais monsieur. Mais merde moi, je me masturbe pas, je vais me masturber sur ta gueule, le gros PDA, tu vas voir. Ça te fera tout drôle là. mettre un bout de la semence PD à Cotier, va. Bah, si vous voulez. C'est ça que tu veux, hein, c'est ça que tu veux. Si vous voulez. Je me sors dans ta gueule. Moi je veux bien. Moi je veux bien, monsieur, mais je ne suis pas un. Tu aimes ça, hein, toi, hein. Pourquoi tu appelles là avec ça là? Tu me casses les couilles là, franchement. Pour savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments, monsieur, je sais pas, ou peut-être vous avez mis votre. Vous vous êtes inséré dans une tarte aux pommes ou. Hein, et... Tu es con toi ou quoi? Bah, non, mais pas du tout, monsieur. Pourquoi tu veux savoir ce genre de questions, toi? Bah, hein? Pour savoir, monsieur, pour savoir si vous le faites. Tu vas voir, je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein, hein? Tu vas aimer? Bah, peut-être, mais je... Ah, gros pédé, là, que tu es, va niquer ta mère, hein? Hein? Pédé, là. C'est le pédé que tu es, là. Hein? Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire tout drôle, à toi, gros pédé, là. Que tu es, là. C'est ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Bah, je sais pas, monsieur. Ouais, t'aimes ça, vas-y, dis-moi, t'aimes quoi, te faire sodomiser avec quoi? De te mettre un concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Pas spécialement, monsieur, mais on peut toujours essayer si ça vous fait plaisir. Ça, toi, hein, gros pédé que tu es, va. Ah, allez, non. File-moi de là, là, tu me casses les couilles, hein. Et un pédé, hein. Gros pédé, hein. Gros pédé que tu es, va. Oh, c'était gratuit, hein. Il est toujours aussi bon. C'était totalement free gratos, quoi. La folie totale. Il est bon, lui. Ah ouais, c'était une enfilade. Bon, on l'avait déjà eu, hein. Oui, oui. Je me souviens plus ce qu'il avait dit, mais on l'avait déjà eu. Bon, Aurélie et Corentin, là, comment ça va? Ça va. Ouais, vous vous souvenez de sa voix ou pas, au gars, là? Je pense qu'on l'avait déjà eu, hein. Ouais. Ouais, je pense. Bon, Aurélie qui appelle de Trèbes, c'est ça? Ouais. Très bien, 17 ans, Corentin, lui, de Bretagne, dans le Finistère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, on va jouer maintenant au jeu de la rupture. Vous allez pouvoir jouer pour repartir avec une Nintendo 3DS XL, la classe de la classe, la folie de la folie. Ouais. Et Corentin et Aurélie, pour ça, il va falloir appeler des gens au hasard et leur faire une petite discussion, un petit dialogue de rupture. Donc... Je rappelle que donc il y a deux appels, vous avez deux chances donc, mais il ne faut pas balancer deux fois le même scénario, d'accord? Ok. Bon, okay. Que ce soit clair. On y va, on appelle, qui veut commencer, Aurélie ou Corentin? Je m'en fous. Tu t'en fous? Bon, on va commencer par toi alors, Aurélie, hein, ça me paraît pas mal. Ok. On y va, donc conversation de rupture, donc pas arriver en disant oui, il y a une rupture. Non, vous parlez comme si c'était votre copain, votre copine, peu importe, et vous lui dites ouais, écoute ma chérie, machin, ça va pas, ça va plus entre nous, je te quitte, etc., etc. Le but, tenir un maximum de temps avant que l'autre ne raccroche, ok? Ok. Allez, vas-y, Aurélie, c'est à toi, on y va. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô, et je te souhaite bonne chance, évidemment. Merci. Allez. J'espère que tu vas tomber sur un mec. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui. Je t'appelle en fait pour dire que toi et moi en fait c'est fini. Voilà. Vous êtes trompé, je crois. Le numéro. Ah non, je pense pas, non. C'est bientôt que j'appelle pas n'importe qui comme ça. C'est qui que vous étiez censé appeler? Ben toi, je t'appelle à toi. On s'est vu hier et tout, on a tapé une soirée. Non, désolé, tout, donc, c'est pas... voilà. Non, c'est pas juste, désolé. Mais moi c'est Enzo. Non, je ne suis pas trompée, je t'appelle juste pour dire que c'est fini, je le prends pas comme ça aussi. Moi c'est Enzo Slimani, je suis désolée. Ben, ne prends pas comme ça, c'est pas genre que tu me connais pas. C'est quoi ton prénom? Aurélie. Non, désolée. Hein. Je me suis pas trompée quand même. Bah si. C'est quand même à qui? Non, mais c'est quand même, tu sais que je téléphone, c'est pas genre que... Non, voilà. Le numéro c'est 09-51-58. Ben, c'est qui c'est que je téléphone? Justement, non. Il est con, on lui a donné son numéro de téléphone. Quand même, aussi bien. Vous étiez censé appeler qui? Vous étiez censé appeler qui? Toi, je t'appelle à toi. Non, mais c'est quoi le prénom? Quoi? Enzo, il l'a dit. C'est quoi Enzo. Le prénom de la personne que tu devais appeler? Je sais pas, aussi bien, tu m'as pas donné ton prénom, on a passé une soirée ensemble, on s'est bien amusé, et voilà, donc... Désolé. J'ai donné ton numéro, et voilà. Allez, il est parti. Alors, ça nous a fait 1 minute 25, c'est pas mal, Aurélie. Hein ouais. Mais si t'avais mieux écouté ce qu'il disait, il a dit qu'il s'appelait Enzo. T'aurais dit c'est Enzo. Ah, il a donné son numéro de téléphone, il a tout fait. Lui, c'est la totale. Il a tout donné lui. Bon, on y va. Corentin, à ton tour. T'es prêt? Ok. 1 minute 25 à battre pour être pépère dans la première partie. On fera la suite juste après la pub. On y va, Corentin, c'est à toi. Allez, bonne chance, Corentin. Allez. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Ouais. Allô ? Attends, c'est moi qui fais de la merde. C'est moi qui fais de la merde. Ah, donc ça a pas décroché. C'est pas grave, on appelle un autre. Corentin, c'est parti. Autre numéro maintenant. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Bah, genre, le truc il sonne et il y a un numéro qui est pas attribué. Ça peut être un bon répondeur, téléphone, ça tient. Bon, on rappelle un autre du coup, Corentin là. Ah, moi, je me rappelle d'un mec qui avait mis ça. C'est vrai, oui. Allô ? Oh merde ! Oh, décidément, on a la poisse avec toi, Corentin là. Avec Aurélie, c'est passé nickel. Et avec toi, ça craint là. On y retarde. Ouais. Allô ? Il est à la place ou quoi? Mais qui a décroché, il parle pas. Allô? Ah bah il t'a raccroché. Ah lui, merde hein. Ah bah putain. Hop, c'était rapide. Bon, c'était non, attends, rapide. attends, vas-y, on rappelle encore un autre. Et putain, t'as la poisse, 4 appels, 4 fois sa foire. Allez. Bon, une. Allô? Ah non. Allô? Ah quand même. Ouais, salut, c'est moi. C'est qui? Ah, c'est moi. Bon, je peux te parler là 2-3 minutes. Qui est-ce? Bah, c'est moi. C'est pas genre, si tu me connais pas, c'est moi. Donc, tu sais, je voulais t'appeler parce que tu vois très bien, ça va pas très bien en ce moment. Et, avec sa voix. Ouais, qu'on se quitte en nous deux. Ça va plus. Qui vous êtes? Bah, c'est moi. C'est pas genre. Je sais pas qui vous êtes. Et je crois que c'est une plaisanterie ou vous vous êtes trompé de numéro? Mais non, plaisanterie, on se connaît. Arrête, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Et franchement, là, ça commence plus à... Je commence à saturer et franchement, il faut qu'on arrête. Ok, bonne soirée. Mais non, mais... Hop là! Oh merde! 48 secondes, Aurélie, t'es pépère. Hein. 1 minute 25, t'as un peu d'avance, mais... Mais juste après la pub, on verra, hein, parce que rien n'est fait encore. Aurélie, tu vas donc tenter, remettre ton titre en jeu pour voir. Si tu, si Corentin n'arrive pas à dépasser 1 minute 25, c'est toi qui repars avec la 3DS XL de Nintendo, donc on va te filer. Si jamais Corentin arrive à te battre, à ce moment-là, c'est Corentin qui gagne. Vous restez là tous les deux ? Ok, ouais. Allez, bougez pas de là. Et puis, tant qu'on est dans les jeux, on va prendre Nicolas également pour la colle. Là, t'es là, Nico ? Ouais. Bon, allez, vas-y, fais péter la colle encore une fois, là. Vas-y, hop là, c'est parti. Alors. Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit et qui pourtant monte mais ne grandit pas? Très bien. Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit, qui monte mais pourtant ne grandit pas? Vous avez la réponse, tant mieux. Envoyez Mickaël au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Il y a Jonas sur le Facebook qui proposait des lianes. Non. Non, il y a Nico qui dit l'arbre généalogique pour la colle. Non. Non, alors par SMS on proposait un cerveau, une dent. Non. Un ascenseur. Non. Un arbuste. Non. Des cheveux? Non. Non, bon bah très bien. Bon bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le Facebook de l'émission. Je vous ai mis une belle photo préférée de Polo où j'ouvre la bouche, tout ça avec les deux cadeaux que j'ai à vous offrir. Allez voir, hein, ne fût-ce que pour voir, hein, facebook.com/mickaëlofficiel. Et pour répondre également à la colle de Nico, dans une trentaine de minutes, on vous offrira eh bien soit la Samsung Galaxy Tab 3, soit la Nintendo 3DS XL. Reste avec nous Nicolas, je te souhaite bonne chance ainsi qu'à vous toutes et à vous tous bien sûr. Et puis on va s'écouter dans quelques minutes le son de Clean Bandit. Et ce sera Rather Be sur Fun Radio. Il y a la nuit sans pub qui débarque juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël, nos limites. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon, allez, dites-nous si vous voulez qu'on vous repasse Jean-François là. Jean-François. On l'a vu hier soir là. Ah, il s'est branlé jusqu'au bout. Hein. Ah, le cochon avec Cristal et avec Vanessa là. C'était la folie totale hier soir. Ah, mais complètement. Et si vous n'avez pas entendu ça, eh bien, on vous le remettra peut-être là. Faites un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. On vous mettra ça. Je vous ai mis le post. Hein. Retweetez-le avec vos potes là pour ceux qui n'ont pas entendu. Faites-les venir, là, faites-les débarquer sur Fun. Je vous le remets Jean-François là d'ici 20 minutes, une demi-heure, un grand maximum. Donc faites venir tous vos potes, ça va être du très très lourd. Élise qui dit, oublie pas de repasser Jean-François, t'inquiète Élise. Il y a le Doc Coco Bonnet qui dit, franchement l'émission cartonne de plus en plus et c'est grâce à nous. Eh oui, bah, c'est clair. Il y a Mélanie également, je profite de la pub pour vous envoyer un petit message pour vous féliciter et vous faire un gros bisou à tous. Eh ben, merci Mélanie, je te fais un gros bisou à toi également. Et puis bah rajoutez-nous également hein, sur le Twitter de l'émission. C'est de Mickaël underscore officiel, ajoutez-moi et je vous suivrai également. On se suivra mutuellement comme ça. Je vous attends évidemment pareil sur Instagram avec grand plaisir. Il est 23h49, la suite du jeu de la rupture. Et on écoutera aussi le son de Clean Bandit pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, écoutez. Voilà, c'est ça le son de Clean Bandit avec Rather Be. Ah, je vous mettrai également le son de Pharrell Williams, ce nouveau avec Marilyn Monroe. Histoire de chiller pendant que Top va chier. Évidemment. Vous voyez, c'est un son qui va pas du tout avec les appels de Tof. Tiens, il y a Je te pénètre la touche qui dit Tof, gros PD que tu es, va. Et Lola qui dit espèce de gros PD, va, mort de rire. Je vais te mettre un saucisson dans le cul. Je suis mort de rire dans mon coussin, là. Help me. Eh, t'étouffe pas, Lola, on va pas perdre des auditeurs, Lola. Bon, voilà, Pharrell Williams, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio dans quelques minutes. Donc, restez bien là, évidemment. Et puis, bah, pour ceux qui ont raté l'appel de Tof, bah, c'était ça. Mais je vais me masturber sur ta gueule, gros PD, là, tu vas voir. Ça te fait un tout drôle, là. Il avait quelques petits problèmes avec les homosexuels apparemment. Oui, hein, je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Voilà, il était bien. Hein. PDA. C'est ça, il était. Il y avait le saucisson également qui était pas mal. Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire tout drôle à toi, gros PDA. Voilà, il y avait celui-là que j'avais raté. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser toi. Hein. Ouais, je l'avais pas entendu celui-là au moment même, dis donc, il était pas mal. Tout ça en terminant évidemment par. Au PDA. Au PDA que tu es, va. C'est un truc de ouf. D'être j'adore. Aussi agressif, c'est quand même violent. Oh là là, il y a Jojo qui dit, je t'ai ajouté sur Instagram, cool. Merci Jojo, et je te suivrai également sur Instagram, là, t'inquiète pas. Simon qui dit, ça fait longtemps que je vous écoute, c'est toujours aussi bien. Merci Simon. Et Joël qui dit, ton émission est un véritable bonheur, Mickaël, qui fait oublier tous mes malheurs. Bisous. Bah, j'espère que t'en as pas trop quand même. Eugénie aussi, moi j'habite à Brive-la-Gaillarde, j'y suis bien, j'aimerais avoir un message de Mickaël depuis le temps. Oh bah maintenant, et maintenant t'inquiète pas, j'en ai plein là. Hein. Voilà, il y a Guillaume également qui dit, oh PD que tu es, va. Eh non, c'est toi. PDA. Ouais, oui, Guillaume, tiens, je t'en remets un autre, tiens, regarde. Culé, là. Ouais, oui, tiens, aussi toi, pour toi, Guillaume. Je vais te mettre un concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Eh ben voilà, c'est ça que tu veux. Il y a Fritri Alba qui dit également, si Tof vient dans ma friterie, il y en a des jouets pour lui, là. Pour Tof, j'ai tout un assortiment de viande. Avec plaisir. C'est ce que je rappelle qu'on est tombé sur cette info d'un Américain qui donc se branle dans les tartes à réchauffer au micro-ondes et un autre qui s'est branlé dans une pizza du Domino's Pizza et donc il a porté plainte parce qu'il n'était pas indiqué qu'il risquait de se brûler la bite, ce qui est arrivé évidemment. Quelle aventure. Donc on a demandé si vous vous étiez déjà fait des petits plaisirs solitaires avec de la nourriture, voire avec autre chose. Hein. Comment est-ce que vous faites plaisir autre qu'avec la main évidemment. Mais en même temps, il s'attendait quoi de voir une bite avec une croix dessus pour dire voilà c'est interdit. Se branler, mais il est con le mec. C'est ça. Il y a Alan Tormère du 69 qui dit une peau de banane légèrement réchauffée, c'est l'extase. Il y a Jeffrey également sur le Twitter, putain fait chier, il y a les parents qui pioncent et moi je suis le seul éveillé. Ah oh, les vieux là, ils savent pas ce qui est bon, écoutez Mickaël. Oui mais en même temps tant que t'écoutes toi c'est le principal Jeffrey. Esteban également, deuxième fois que je t'écoute et ça commence fort. Ah oui, merci Esteban, ça commence très fort, je te le confirme. Surtout quand on aura Jean-François. Ah oui. Jean-François. Je vais faire du café. C'est Jean-François. Oui, alors je rappelle que Jean-François hier, il voulait quand même. Il voulait faire pénétrer une cafetière dans la chatte de cristal. De cristal, exactement, oui. Je te prends en levrette par l'anus. Et oui, je vais te prendre en levrette par l'anus. Mais il y a quelque chose devant, moi. Ah, c'était magnifique. Je crie. je mouille. Oui, Jean-François. Oh là là, Jean-François, c'était du lourd. Hein. Comme je le disais, si vous étiez à l'écoute de Fun Radio hier soir et que vous savez qu'il y a des potes à vous qui n'étaient pas à l'écoute de Fun Radio, qui dormaient ou qui écoutaient malheureusement d'autres radios hein, où ils se faisaient chier, bah, dites-leur de venir ici. Puisque Jean-François, je vais vous remettre le passage d'hier soir. C'était du très très lourd. Oh je vous le mets avant minuit 30. Donc restez là, tenez le coup si jamais vous êtes en train de vous endormir, mettez des petits cure-dents dans les yeux là pour que ça se ferme pas. Ça vaut le détour. Non, si je vous le dis, c'est que vraiment ça vaut le détour. Donc restez bien là. Bon, Aurélie et Corentin, vous êtes de retour ? Ouais, parfait. Très bien, la suite du jeu de la rupture là. Aurélie qui avait fait 1 minute 25, Corentin qui avait fait 47 secondes, si mes souvenirs sont bons. 48 secondes, pardon. Bon, Aurélie. Oui. On recommence avec toi du coup, hein. Je rappelle le principe. Tu dois donc appeler quelqu'un. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un vieux, un jeune, une vieille. On ne sait pas. Et tu dois avoir une discussion de rupture. D'accord? Ok. Et tenir un maximum de temps avant que la personne ne raccroche. Est-ce que tu veux un petit message d'encouragement? Ouais, je veux bien. Allez, vas-y. Voilà, c'est notre ami Jean-François, bien entendu. Voilà. Est-ce que tu veux un autre message d'encouragement? Non, c'est bon. Ah, sinon il était là. Vas-y alors. Jean-François. Voilà. Jean-François. Voilà, il criait son nom, ça l'aidait à faire jouir notre ami Cristal. C'était hier soir. Bon, Aurélie, on y va, on appelle maintenant. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô et ça démarre, ok? Ok. Allez, c'est parti, toujours la Nintendo 3DS XL à gagner. Si vous voulez voir à quoi le ressemble. Allô? Allô? Oui. Tout juste. Ça va? C'est qui l'appareil? C'est moi. C'était pour te dire en fait que toi et moi c'était fini. Je crois que je vais te tromper de numéro. Ah non, je pense pas que c'est le numéro. Donc voilà, après. C'est juste pour te dire que toi et moi c'est fini. J'ai rencontré un autre garçon, il s'appelle Joachim. Donc voilà. C'est pour te dire que en fait, on arrête là quoi. D'accord. Voilà. Et voilà. Là, ça coupe sur Aurélie. Ah, ça c'est ballot ça. Ah, ça c'est con. Ouais, mais raccroche pas. On y raccroche pas, c'est vrai. Ah, mais ça coupe sur Aurélie. Ah, je crois que c'est fini sur Aurélie. Allô? Ah, non. Ah, bah là c'est fini. Aurélie, hop là. Ça nous a fait 50 secondes et en plus t'es passé dans un tunnel, je crois, parce que ça coupait, on n'entendait plus rien. Mais bon, il a pas raccroché, il a raccroché qu'après 50 secondes. On reste sur 1 minute 25, Aurélie. Corentin, score à battre, 1 minute 25. Sinon, tu rentres chez ta mère les mains vides. D'accord? Ouais. Allez, on y va, Corentin. Je crois en toi là, ça va bien se passer. On y va, c'est parti. La Nintendo 3DS XL, peut-être pour toi, si t'arrives à faire mieux qu'une minute 25. Bonne chance. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. J'espère qu'on aura moins la poisse que tout à l'heure avec toi. Allô? Allô? Allô? Oui? Attends, je t'entends mal, allô? Oui, c'est qui là? Oui, voilà, c'est bon. Ouais, c'est moi. C'est qui moi? C'est moi. Il faut que je te dise un petit truc là. J'en perds mes mots. Ah, il téléphone. What? T'es toujours là? Non, il est parti. Ah non, là, il est parti, là. Ah non, là, il est parti. 22 secondes, Corentin. Ah, et t'as encore fait mieux que tout à l'heure, là. Tu es victime de ta voix. Bon, ben, bravo, Aurélie. Eh ben, voilà. Bravo, Aurélie, la belle. La Nintendo 3DS XL arrive chez toi. C'est possible d'avoir la tablette ou pas, parce que je l'ai déjà. Ah, ben, c'est con, alors. Bah, tu vas l'avoir en double. Ah, c'est oui, pas possible d'avoir la tablette. Ah non, pas là, non. On peut choisir dans la colle, mais pas là, parce que sinon après je n'ai plus assez pour offrir pour le reste de la semaine, malheureusement. Ah, mais sinon je peux t'envoyer un, un CD et je file la console à Corentin comme il l'a pas. Ouais, c'est bien aussi. Tu m'étonnes. Hein, Aurélie? Oui. Bah, si tu veux, je te file un CD et puis je file la console à Corentin, non? Non, c'est bon. Non, tu vois, ça finalement, ça change d'avis quand même. Bon, bah désolé quand même, du coup, c'est dommage, ça me fait chier, tu vas prendre un cadeau que t'as pas envie d'avoir, mais je peux pas t'échanger. J'ai que celui-là ce soir, merde. Bon, écoute, bah je sais pas, tu te démerdes, tu l'offriras à Aurélie, hein, d'accord? Ok, nickel. Allez, gros bisous, salut Aurélie, ouais Corentin. Je peux passer une petite dédie? Allez, vas-y, profites-en à une seule personne, choisis la bonne. Une petite dédie à la TF Scooterie. D'accord, bah le message est passé, pas de problème, salut à toi, à bientôt. C'est pas vrai, Pokémon. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas, Corentin, on va te filer ça, y'a pas de soucis, tu demandes ça avec Sandro au standard. Salut, salut! Salut! Ciao à toi, Corentin. Eh ben voilà, une bonne chose de faite, ça c'est fait donc. On va rappeler encore d'autres personnes tout à l'heure avec Toff. Hein. Ah ben avec plaisir. Et puis on aura bien entendu notre ami Jean-François. Si je commence à bander, mais faut que je boive un café avant. Là, il devait boire un café avant de bander, vous comprenez, vu son âge avancé, bien entendu. On fera le top tweetos également là. On est comment dans le top tweetos là actuellement là? Je rappelle le principe. Bien. Bah oui, j'imagine. Je rappelle le principe, le numéro 1 de celui qui aura le plus tweeté avec le hashtag Mickaël ce soir repart donc avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Alors le numéro 5, et on donne les résultats, le résultat final à 2h du matin à la fin de l'émission. En numéro 5, je pénètre ta touche. En numéro 4, c'est les pseudos sur Twitter, hein. Numéro Elliot. 4, Elliot. Numéro 3, Fred S. Numéro 2, Oli Fun. Numéro 1, Drakit. Drakit, très bien. Drakit qui a ramené plein d'auditeurs dans l'émission, ouais. Hein. Merci beaucoup Drakit, c'est bien, super cool. Il y a bon, donc continuez, hein. Hashtag Mickaël avec votre message, hein. Vous balancez vos messages. Attention à ne pas en mettre de trop, sinon Twitter vous bloque. Donc faut pas flouder non plus, sinon ça marche pas. Donc je vous dis ça après, c'est pour vous aider, hein. Il y a Tibbs qui dit: vous êtes géniaux, continuez comme ça à me faire rire pendant mes longues nuits de taf. Bah, bon courage Tibbs. N'est-ce pas qui dit: pour ceux qui ont pas entendu JF hier soir, surtout restez à l'écoute. C'est du lourd. C'est pas moi qui le dis, c'est n'est-ce pas. N'est-ce pas? C'est pour vous dire. Antoine qui dit: la tête de ma mère Jean-François, c'est un malade, là, faut le rappeler. Il y a mon fils ma vie sur le Facebook qui dit: je vous aime, dites-le, je vous écoute. Et ben voilà mon fils ma vie, nous aussi on t'aime. Et de Games Vlogs qui dit: Polo le jeune aventurier, Sandro la jeune guerrière, Mickaël le jeune apprenti, Toff le vieux crouton merde pourri de l'anus dilaté. Je pense que c'est bien résumé, effectivement. Parfait. Et JC qui dit: se branler dans les rideaux, ça fait de drôles de tâches. Ma mère n'a jamais compris d'où elle venait. Et la petite fille qui dit: trois meufs, bah écoute, mec, prends un agenda. Hein. Oui, ça c'était par rapport à notre qu'on va récupérer, puisqu'il y a Amani, il y a Thomas également qui voulait réagir, et Timothée. Restez bien là tous, toutes et tous, en l'occurrence. On va s'écouter le son de Clean Bandit avec Ratterby. Et puis on aura aussi, bien entendu, juste après, notre... pourquoi star. Non, pas du tout, c'est pas notre star, c'était les teubés de la télé. Ah, plusieurs oui, stars en l'occurrence. Plusieurs stars qui arrivent sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, et je vous l'avais promis, eh ben, c'est parti, hein, le son de Rather Be maintenant sur Fun Radio. C'est Clean Bandit. Bienvenue sur Fun Radio. Fils de putain là. Oh, reste calme. Tu vas voir, je vais mettre la Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. We're a thousand miles from comfort. With you, there's no place I'd rather be. Si je te mets la main sur ta gueule, espèce de bâtard. Je te jure, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. PDA! On fait des côtiers. C'était l'appel de tout à l'heure là qui était magistral. Hein. Eh oui, il était au taquet. Un très bon ami. Concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Eh oui, c'est ça, hein? Ça que tu aimes, hein? Te faire sodomiser, toi, hein? Eh oui! Culéa. Culéa. PDA. Que d'amour, que d'amour. Oh, on a appel radio tout à l'heure, rassurez-vous. Il y a le doc Coco, Coco Bonnet qui dit: rien que d'entendre le nom JF, je suis pleine de sourire. Je pourrais pas m'empêcher de rire quand j'entendrai ce nom dans la rue, tu m'étonnes. Donc continuez d'ailleurs, hein, j'ai mis un post sur le Twitter. Bah, retweetez au maximum avec vos potes pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute de Fun hier soir. Bah, déjà, ils ont eu tort, mais surtout, je vais vous présenter, eh bien, Jean-François. La légende. C'est la légende, the legend. Wait for it. Legendary, exactement. Donc Jean-François, qui est donc cette star qui était là. Hein. Là, tu me fais bander, là, tu me fais bander. Ah ouais, avec une voix tellement sensuelle. Tu me suces de bien. Voilà. Ouais, je veux bien qu'elle me branle, je veux bien. Mais oui, vous voulez bien, tu m'étonnes. Je vous repasse dans quelques instants, ça. Ne bougez pas de là, ce sera dans moins de 20 minutes. Christophe également qui dit: je kiffe l'air mix avec les voix de JF. Et Alan, je t'emmerde 69 qui dit: fils de putain, mort de rire, je fais que rire avec vous, je suis censé dormir, mais je m'en fous. Mickaël, jusqu'à la fin, je vous écouterai. Cool, merci Alan. Et n'est-ce pas également qui dit: ceux qui n'ont pas entendu JF, préparez-vous psychologiquement, vous savez pas ce qui vous attend. J'avoue. Mais moi, je suis curieux de le réentendre parce que hier, on l'a fait en direct. Donc, pour info, Vanessa c'était moi, Crystal c'était Toff. Ah donc bon on s'est pas vraiment rendu compte du dossier. Donc ça, c'est genre l'autre, ah bon. Et Nathan qui dit: je suis là depuis mi-août et toujours pas eu de message de bienvenue. Ah, tu veux un message de bienvenue, mon con? Eh ben bien sûr, attends une seconde. Je vais t'en mettre un, moi, de message de bienvenue avec notre nouvel ami qu'on a rencontré ce soir. Je me casse les couilles là. Voilà. Mais je vais me masturber sur ta gueule, gros PDA, tu vas voir. Ça va te faire tout drôle. Voilà, et Roms qui dit le son qui passe trop posé là. Je peux l'écouter en boucle. Et Dylan également, un pote, a dit qu'il se branlait sur ses pieds et puis léchait, c'était hardcore. Oui, oh, effectivement, là, vu comme ça, c'est assez hardcore, je te le confirme. On va parler également, avant de récupérer Kaïs dans quelques secondes, on va parler des teubés de la télé, hein, comme on le fait chaque soir d'ailleurs sur Fun Radio. Et on le sait pas, mais les perdants d'Oscar reçoivent aussi des cadeaux. Pour tous les nommés qui ont perdu, ils repartent avec leur sac. Mais là, cette année, il y a un truc de ouf, Ali. Par exemple, si vous aviez perdu, ouais, et ben vous seriez reparti avec un très joli traitement contre la calvitie, d'une valeur quand même de 12 000 euros. Ça n'est pas rien. Mais moi, Ali, je serais reparti avec un petit sac dans lequel j'aurais trouvé quoi ? Un soin de traitement de rajeunissement du vagin. Non. Voilà, ça s'appelle Orgasme Shot. Ça coûte 2 000 euros. Sérieusement ? Ah, c'est quand même pas mal, hein. Ah ouais, non, comme c'est pas quoi, mal. Finalement, c'est Orgasme bien aussi. Shot. Ah ouais, de perdre son Oscar là. Et vous connaissez certainement les telenovelas brésiliennes. Ouais. Ah, vous voyez, c'est une espèce de petite série. C'est super long, c'est super chiant. C'est chiant. Ouais. Je crois que certaines séries françaises aimeraient bien avoir les mêmes audiences, à mon avis. Le dernier épisode, il a carrément immobilisé le pays. C'est-à-dire que le Brésil s'est arrêté de tourner. Il y avait 46 millions de téléspectateurs devant la télé. Ça représente 84% du public devant sa télé, dont la présidente brésilienne Dilma Rousseff, qui a reporté un meeting politique. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'elle ne pouvait pas tenir son meeting politique si elle n'avait pas vu la fin, l'épisode final de Oi Oi Oi. Donc 86% du pays, les 80 autres n'avaient pas la télé en fait, c'est pour oui, ça. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est juste, ouais, juste ça le problème. T'imagines François Hollande qui reporte un meeting juste parce qu'il veut regarder Plus belle la vie. T'imagines. Et dans le Bachelor, Martikas là raconte légèrement là. Hein. Honnêtement, je peux pas imaginer qu'il ne me donne pas la rose quoi. Enfin, je suis sympathique à tout le monde, tout le monde m'apprécie bien. Après, s'il me donne pas de rose, c'est qu'il est. Il doit être gay. Je sais pas. Et à mon avis, ça doit être ça, effectivement, ça doit venir de là tout ça, quel en effet. Ouais. Bon, si vous regardez des trucs à la con à la télé, dites-le nous aussi, hein, qu'on puisse prendre les sons avec plaisir. Kaïs le retour, qui sort avec plusieurs meufs en même temps. Il s'est fait incendier par pas mal de filles, hein, sur le Twitter et le Facebook de l'émission, bien entendu. C'est le son partant, moi je suis là. Eh bah oui, j'imagine. Et puis il y a Thomas également qui est avec nous là de Seine-et-Marne dans le 77. Salut Thomas. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah très bien, bienvenue à toi Thomas. Alors toi aussi, t'es un chaud lapin comme Kaïs ou pas? Ouais, j'étais, on va dire. Ah, vas-y, alors, c'est rangé, c'est bien, mon pote, ça c'est bien. J'aime bien l'autre, encourage, ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, c'est alors, cool. T'as fait quoi, toi? Vas-y, raconte. Bah, moi, en fait, je sortais avec une meuf, tout se passait bien au début. Et après, j'ai commencé à aller voir à droite, à gauche, plein de fois. Et elle a pas vraiment su, mais elle a eu des doutes, donc elle m'a mis un coup de pression une fois, sauf que j'ai continué. Elle t'a mis un deuxième coup de pression? Ouais. Non, elle m'a giflé carrément, elle m'a non pas, j'ai pas honte de le dire, je me suis fait défoncer et elle est partie, ça fait 10 mois qu'elle est partie et ça fait 10 mois que j'arrive pas à m'en remettre. Mais putain, mais ça c'est le truc, hein, c'est qu'au début on fait le malin, j'en ai rien à foutre. Et on met des stops, on met des panneaux même carrément pour prévenir et puis après bah j'arrive pas à m'en remettre. Quand j'emmène ce bar, et ben c'est très dur. Eh oui. On en pleure même. Non mais c'est clair. Après en fait donc du coup après ça m'a les couilles, tu vois. Elle m'a clairement dit qu'elle avait retrouvé d'autres mecs, tout ça, non. Il y en a plein des femmes, il y en a plein, faut profiter. Non mais c'est ça, mais toi apparemment gros, t'es dans la merde, tu vois, donc Ah oui, toi tu vas l'être. C'est moi mon frère, moi je suis discret, personne ça, je fais tout en fouine. C'est ça, mais tout se sait, c'est ça. Ouais, exactement, tout se sait. Parce que moi, tu sais quoi, elle était grave amoureuse de moi, tout ça, non, je pensais que je l'avais dans la poche, tout allait bien, et au final, elle a tout su, et je me suis défoncé comme une merde, tu vois. Exactement, ouais, tout se sait un jour ou l'autre. Il y en a plein des femmes, là. Ouais, mais toi, tu dis ça parce que t'es pas amoureux, Kaïs. Mais ouais, voilà, t'es pas amoureux ou tu ne le sais pas encore, mais le jour où tu vas peut-être... Je suis pas amoureux, pas du tout, hein. Ouais, mais voilà, mais... Non mais très bien, alors. J'aime pas la route. Non mais alors amuse-toi mais sois franc avec elle et puis voilà t'es pépère. Bon, attends, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais les larguer, je vais en trouver une bien quoi. Ah bah oui, il va encore changer. Attends. Il y a Mani également, un autre Stéphanois qui est avec nous là. Mani. Allez les gars. Comment ça va Mani? Allez Paris. Ça va Mani? Ça va et toi? Très très bien Mani. Donc toi tu voulais réagir aussi à Kaïs? Ouais, quoi alors? Alors vas-y, on t'écoute. Alors en fait, j'ai écouté ce qu'il disait tout ça. Ouais. Et c'est un enculé qui crève. Ah non, pardon. Et en gros, je vais te demander s'il n'y a pas une fille dans l'une de tes meufs qui s'appelle Sarah. qui s'appelle quoi, Sarah ou Sarah? Soro. Hé, hey, t'es Saint-Chamond, toi. Sarah Droche. Non, pas du tout, non. Ah bon? Elle est déçue. C'est bizarre parce que j'avais reconnu ta voix. Ah, elle est déçue, ouais. Je voulais me découvrir, mais franchement, tu viens de te tromper là, parce qu'il n'y a pas de Sarah, je connais pas de Sarah. Ouais. Ah, déception totale à Mani. Bon, bah c'est pas grave, pourquoi tu connais une Sarah, et toi, qui se fait niquer par un autre mec? Ouais, et en plus, il s'appelle Caïs. Non. T'es sûr, Caïs, que c'est pas la même? Hein, Caïs? T'es sûr que c'est pas la même? Non, je te jure que c'est pas elle. Tu disais, elle Thomas est pas banave. Elle est pas banave, c'est délire, tu connais les effets. On sait jamais. Bon, bah très bien. Si tu veux, on peut apprendre à se connaître, Mani. Oh là là, Caïs, putain. Bah, le mec, il arrête jamais, t'sais. Hey, tu sais. Hey, Caïs, tu veux que je te présente Cristal? C'est qui, Cristal? Cristal, c'est une meuf là qui passe souvent dans l'émission là. Franchement, moi, celle que j'ai envie de rencontrer, c'est Sandra au standard. Voilà. Ouais, mais attends, parce que là, attends, il y a Cristal, c'est quand même vachement. C'est quand même du high level, hein. C'est-à-dire que Sandra à côté, c'est de la merde. Non, mais je te le dis, je te préviens direct. Attends. Et la petite Mani, elle est disponible ou pas? Qui ça? Elle est bonne. Qui ça, Caïs? La petite meuf au téléphone là. La petite meuf, c'est déjà, tu gères bien. Elle s'appelle Amani. C'est trop chaud. C'est comme Armani, mais sans le R. Voilà, bah c'est kiffant, Mani, voilà, c'est stylé, ça a de la classe. Ah oui, ça a de la classe, ouais. Attends, Caïs, je te présente Cristal, elle vient d'arriver là. Allô? Ouais, c'est un mec. Oh, putain, temps peut-être. C'est pas gay, j'aime les femmes. Ah, mais c'est pas grave. Je suis super déçu. Oui, voilà. Moi, j'étais chaude, et toi, tu me prends comme ça. Non, ça va pas être possible. Ah, merde. Franchement, JF, il était plus cool que toi. Ah, parce que Jean-François, hier, il était vachement plus chaud. Hein. T'as écouté ou pas, toi, hier soir, Caïs? Ouais, j'ai écouté le fou, là. Jean-François, il me bouffait la bite. Exactement, mais avec une cafetière seulement. Il vient d'abord boire du café, hein. C'était impératif. Là, tu fais manger, là. Oui, je sais bien, oui. Non, mais... franchement, j'aimerais bien la petite Mani, là. Bah, écoute... Bah, je m'appelle pas Mani. Elle s'appelle Amani, Caïs. Amani, bah, t'es d'où, ça, Tétienne? Saint-Chamond. Ah, c'est Chamond. Elle a l'accent. Bah, super bien, ouais. T'as l'accent de Saint-Cham. Bon, bah Thomas, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Hein. Tu restes là, on va te filer un pack fun. Je peux lâcher une petite dédicace vite fait. Eh bah bien sûr, vas-y, profite. Je vais lâcher une petite dédicace à tous mes potes, à Saint-Ouen, que je sais qu'ils m'écoutent, font galère dans leur voiture, chef qui m'écoute. Très bien. Merci à vous. 93, mon frère. Bah, représente. Tu vas pêcher ce soir ou pas? Moi j'ai ma copine, là, j'ai une copine. Non, pas des meufs. Très bien. Pas des meufs. Ah non, mais moi j'habite pas dans le 93, j'habite dans le 77. Bon, ça roule, merci Thomas, en tout cas tu reviens quand tu veux, mec. Ciao. Ouais, y'a pas de soucis. Salut, à bientôt, bye bye. Bon, Amani, merci beaucoup d'être passé, je te fais des gros bisous. Tu veux le numéro de Caïs ou pas? Moi c'est un gros bisou, Amani. Oui, d'accord. Bah si tu veux, on peut avoir en antenne, on peut changer nos numéros, tu sais, y'a pas de soucis. Ouais, bah bien sûr, là je te passe, regarde, tu notes? Non, mais pas maintenant. Tu mets mon numéro à Sandra, ça sera un plaisir de te le donner. Non, bien sûr. Et que je voulais dire, en fait... Oh, le vent, mec. Là, il y a beaucoup de vent, là. Il faut se méfier, attention. Non, mais attention, accrochez-vous. Attention, les mecs, accroche-toi. Il va pas nous emporter, là. Attention, les mecs. Accrochez-vous. Il y a un putain de vent sur Caïs. Quoi? Ça va, ça s'est calmé. Il y a du lourd, hein. Je suis pas de Saint-Cham. Hein? Je t'ai dit, je suis pas de Saint-Cham. Bah, t'es d'où, alors? Marie. Ah, t'es de la rigue, bah moi je suis juste à côté. Voilà, tu as tout compris. Mais attends, je vais te demander un truc, mais t'es fier d'avoir plusieurs meufs? Non, franchement, je suis pas fier, mais voilà, quoi. Tu vois, je sais plus quoi faire, donc ça serait bien que je tombe sur une petite meuf. Comme Amani, voilà, par exemple. Voilà, donc, dans le délire, tranquille, posé. Voilà. Attends, est-ce que t'as une petite sœur? Non, j'ai pas de sœur. T'as pas de sœur, t'as pas de cousine? Non. T'as un vélo? Ma gueule. J'ai des cousines, mais elles sont mariées, tu vois, voilà. Bah voilà, t'aimerais pas qu'on la fasse à l'envers à des cousines? Bah mais lui qui fait ça, je lui dévisse la tête. C'est pas pareil, tu vois. Ouais, c'est pas la même chose. Là, c'est le calage après, tu vois, c'est pas le même délire. Oui, bah oui, j'imagine. Bah voilà, bah c'est pas aux autres, parce que t'aimerais pas qu'on fasse... Hein? Il a l'air... Franchement, ouais. Tombé sur le charme. Je t'ai dit, t'as une belle voix, je trouve ton charme, tu vois. Ouais, en plus, t'habites pas loin de chez moi. Attends, voilà, j'allume le ventilateur, parce que je pense qu'il y a pas assez de vent là. Accroche-toi. Voilà, là, c'est Caïs, bon. Accroche-toi. Le ventilo est mis là. On a fait plaisir de se connaître à Manille. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion de te voir. Ouais, attends, regarde Caïs, je vais te montrer ce que tu rates. Amani, combien tu mesures? 1m67. Combien 65. Tu pèses? 52. Quel est ton tour de poitrine? Non mais c'est bon, mais tu veux quoi aussi? Ma carte d'identité? Non, ouais. La taille de mes pantalons que t'as acheté. Allez, à vous. Non mais c'est fou, vous êtes fous, vous. Non mais c'est juste pour lui foutre la haine. C'est vas-y. La douane, c'est la douane de la radio. La riclavie. On est les mines, on surveille les la véhicules, BAC. La BAC. On est la douane. Parce que là, ça a l'air d'être un peu gonflé là comme matériel. Ouais. Allez, on y va là, la poitrine, vite. Non, je dis pas, ouais. Allez, wesh là. Comment ça, wesh? On est pour le quartier là, Mathieu. Non, mais elle veut pas, ouais, c'est pas grave. De toute façon, de toute façon, il l'aura pas, hein, Caïs. Ah, mais tranquille, j'en ai plein des femmes, c'est pas un problème. Ah, bah très bien, mais comme ça, tu vas encore plus la voir là, ça c'est sûr. Ouais. Bon, ouais, salut Amani, je te fais des gros bisous. Merci. Ciao Amani. Bisous, ma chérie. Oui, c'est ça, l'outil continue, il a pas peur. Johan, pour finir vite fait là, Johan d'Agen là. Johan, bien sûr, bonsoir à toi. Bonsoir l'équipe, ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va. Bon, très bien. Alors Johan, c'est quoi ton avis toi par rapport à Caïs pour terminer? C'est pas ces mecs qui prennent les filles pour de la vulgaire barbaque. Putain, mais sans déconner quoi. Mais qu'il le fasse, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Et qu'il se vante pas à la radio quoi. Sans déconner. Bah il se vante pas là, au contraire il a appelé pour avoir des de l'aide. Oui. Le pauvre. Si je me vanterais à mon frère, je serais pas avec toi au téléphone. Hein. Ah ouais, non mais c'est abusé quoi, attends, il passe à la radio quoi, tu te rends pas compte que y a des mecs qui ils ont jamais eu de gonzesse dans leur vie. Ouais, et lui il en a trois, c'est quand même scandaleux. Même moi, hein. J'ai eu de mal à jouer ma femme, couille, moi, je trouve toi dans la rue, sois heureux avec et puis voilà quoi. Non, et en même temps, je rirai le jour où il y en a une qui va te faire pareil que toi. Ça pour va défendre Caïs, des meufs, il y en a. Après, si t'es trop exigeant, c'est ton problème. Là, ça me fait ça, moi je lui tire dessus, tu vois, c'est pas le même délire. Ah oui, bah lui il peut et les autres ils peuvent pas. Bah d'accord, ok, très bien, ouais, vu comme ça. Ça me fera rire le jour où il y en a une qui va te faire pareil que toi. Là, c'est pas des meufs bien, tu vois, ce serait des meufs bien, je n'aurais pas à l'envier. Ah oui, bah bien sûr, évidemment. Là c'est des salopes. Ah, ouais, parce qu'il y a... J'en trouve une bien et puis voilà. Ouais, il y a une échelle de la meuf, hein, donc tu vois, il y a la meuf bien et puis après à l'autre bout, il y a la salope, exactement. C'est de la vérité, il y a un niveau, tu peux pas savoir, il est extraordinaire. Et toi t'es au top, Caïs, c'est ça? Ah, je suis au top. Mais oui, évidemment, il est plus qu'au top même. Bon, allez, merci Johan, merci Caïs d'être passé, vous revenez quand vous voulez. Je vais faire une dédicace. Allez, vas-y. Je fais une dédicace à Yacine, Mohamed, Hicham et tout cet Etienne et Alivier. Saoul, Alivier. Vas-y. Une dédicace. Vas-y, Johan. Une dédicace à tous les conducteurs routiers et attention, sur Lyon, il y a un accident. Ah très bien, on fait la fond route également maintenant là. Voilà. Très bien. Ça roule. Merci à toi Johan. Ciao. 8 km. Avant. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Yes. Et on se fait le son de Shakira maintenant. Il y aura Jean-François juste après. Ah. Et la colle de Nicolas. Restez sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact. On est en direct sur Fun. Il y a les appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Il y a Yvan qui dit les meilleurs c'est qui? Bah c'est l'équipe de Mickaël, ouais, sur Fun Radio de 23h à 2h, bien sûr. Bisous à toute l'équipe. Salut Yvan, merci beaucoup pour le message. Yann également, baston la radio énorme. Ça fait un bail que je vous écoute et je rigole toujours autant. Bah tant mieux Yann. Julien, le mec c'est un bâtard. Et Carole qui dit je vous écoute toutes les nuits. Et oui, je bosse de nuit dans une maison de retraite. Vous me changez trop les idées, je vous adore. Ah bah merci Carole, merci pour le message et courage à toi pour le taf. Ça doit pas facile la maison de retraite là, putain. Ouais. Mais il paraît que les vieux aussi ça y va au niveau de la masturbation. Ah bah je veux pas le savoir. Lola qui dit mais moi je serais à la place de la meuf. Attends parce que j'ai perdu le message. Oui voilà, à la place de la meuf, je l'aurais insulté le gars, tu m'étonnes. Et puis un message également d'Amélie, je profite de cette petite pause chanson pour vous écrire un petit message. Je vous écoute depuis longtemps mais j'arrive. Mais j'avais arrêté de vous écouter à cause des cours, je suis en vacances donc je reprends les écouteurs et je vous réécoute. Puis-je avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Et je vous kiffe, bisous à toute l'équipe. Ah bah Amélie alors, bah bien sûr tu peux avoir un message de bienvenue, regarde, je vais même t'en mettre un, notre ami Jean-François, tiens voilà. Ah oui. Eh ben voilà, très bien, il est pour toi Amélie. Et je pénètre ta touche sur le Twitter qui dit Polo, je vais te démonter sale petit-fils d'enculé. D'où tu te moques de Saint-Chamond, espèce de sale pédé. Saint-Chamond, une très belle ville. Voilà, et pourquoi tu parles de Saint-Chamond à chaque fois? Parce que je connaissais une meuf qui habitait à Saint-Chamond, elle était belle, mais elle avait un accent de merde. Et en fait, elle a fait, elle disait pas du Coca-Cola, elle disait du Coca-Cola. Et elle me faisait rire, je l'aimais bien. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je parle de Saint-Chamond. Bon, et Nekiz aussi, un pote qui m'a dit, je me branle avant avec de la glace et puis je lèche la glace. Quelle horreur. Et Brandon, maintenant quand je vois ma cafetière, je pense à Jean-François. Tu m'étonnes. Ah, pour ceux qui... ah bah oui, mais pour ceux qui ne se rendent pas bien compte du délire avec Jean-François là. Alors c'était hier soir dans l'émission, on était là, on était pépère, hein, à la cool, t'as fait en train de chier, nous on était en train de chiller. Voilà, c'est ça. Et puis tout d'un coup, que se passe-t-il? Eh ben il se passe ça. Merde. Non, il se passe pas ça du tout. Il se passe ça. Ah putain, bonne nouvelle, on a Cristal, Jean-François. C'est pas vrai. Si, on l'a. Attends une seconde, attends. Attends, bouge pas. C'est bon Cristal? Allez, on l'a, très bien. Cristal, bonjour. Allô? Ah, oh, bonjour, Cristal. Oh, je suis fou. Ah, bah, génial. Oh, je me sens fou, ça ah fait bah, plaisir. Bah oui. Jean-François, bon. Je t'inquiète. Bon, Jean-François, je te passe Cristal. Allô, Jean-François. Oui. Oh, j'étais très inquiète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai envie de faire l'amour. Mais moi aussi, j'étais là, j'étais tout chaude. Et j'avais envie de toi. Et tu me répondais pas, je t'appelais, tu décrochais pas. Ah, excuse-moi, Cristal. Ah bah oui, il faut que tu te fasses pardonner maintenant, hein. En passant en antenne. Mais oui, en plus, il y avait ma copine Vanessa. Tu te souviens de Vanessa? Oui, Vanessa, je m'en souviens. Oui, bah oui, elle était là, on a pleuré toutes les deux, on a été obligés de faire des choses comme t'étais pas là. Elle a pas une dépression, moi. Non, t'en avais pas, mais je viens de t'en trouver. Allô, Jean-François. Oui. Jean-François. Oui. Jean-François. Bah, tu nous as manqué. Vanessa. Mais oui, oui. C'est moi. Pas moi, Vanessa, pas moi. Hop, et la suite dans quelques minutes. Ne bougez pas, ça va arriver. C'est juste histoire de vous mettre en appétit. Voilà, il y a Clara qui dit je vous écoute depuis le début. Vous me tuez trop, je suis mort de rire sous ma couette. Là, je vais réveiller tout le monde, mais je m'en fous. Est-ce qu'on peut rappeler Jean-François? Eh ben, on l'a eu hier au téléphone. Si c'était pas les couilles, Clara, là, on vient de mettre un petit extrait. Je vous le remets dans quelques minutes. Il y a le Doc Coco aussi. Moi, je n'ai plus le temps de regarder la télé. Maintenant, je me suis mis sur Fun Radio et surtout sur Mickaël. Eh ben, t'as bien fait, le Doc Coco. Et Fabien qui dit vite pour JF, il me tarde de le réécouter. Il me fait bander mort de rire. Oh, il fait bander. L'horreur. Quelle horreur. Bon, on a également Fred avec nous là. Salut Fred. Salut. Ça va bien Fred? Oui, ça va très bien. Bon, bienvenue. T'as écouté hier quand on avait Jean-François? Bah, je vous écoute tous les jours depuis que la radio est créée. Depuis que la radio est créée? Enfin, depuis qu'elle a été faite, quoi. J'ai écouté... je vous écoute tous les jours, quoi. Parce que tu sais que Fun a plus de 17 ans, Fred. Bah, enfin, j'ai... Ma mère me dit qu'elle écoutait déjà, donc... D'accord, ok. Parce que Fun a été créé en 84, si mes souvenirs sont bons. C'est vieux, ouais. Ah oui, ça a changé depuis, c'est ouais. Sûr, hein, mais il est toujours dans le même délire, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, Fred. De quoi on va parler avec toi, dis-moi, là? Bah, c'est que je veux demander ma copine en mariage, mais... Non, je sais pas comment la demander. Tu sais pas comment? Voilà. Bah, tu l'appelles, tu dis écoute-moi bien, espèce de biatch. Non, t'essayes un truc, t'essayes. Alors, qu'est-ce que t'as déjà prévu là? T'as déjà une idée en particulier, une idée en tête ou pas? Non, pas du tout, non. Bon, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça va faire un an. D'accord. Tiens, je t'interromps, mais il y a Gestel que je viens de voir sur le Twitter qui dit what the hell, il est réel ce Jean-François? Ah oui, je vous assure. Hein, c'est-à-dire que. Cherchez pas, ici, il n'y a pas de pipeau, hein. On est une émission vraie, nous, on fait pas passer nos potes. Donc oui, il est vrai. Il y a Logan qui dit j'ai hâte d'entendre la suite de Jean-François, ça va arriver, vous inquiétez pas. Je vous ai juste mis l'eau à la bouche, là, comme ça. Juste l'eau à la bouche. T'avais écouté toi Fred, je me souviens plus là, Jean-François hier. J'ai écouté, oui. Ah, très bien. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, donc tu sais pas comment demander ta copine en mariage. Alors, voilà, moi, personnellement, je vais pas être d'une grande aide, puisque je n'ai jamais essayé. J'ai jamais demandé une copine, enfin j'ai jamais demandé ma copine en mariage et je me suis jamais marié, donc je peux pas trop te donner de conseils à ce niveau-là, mais on va quand même essayer de te rendre service, t'inquiète pas, hein. Si jamais vous vous êtes déjà fait demander en mariage, les filles, comment ça s'est passé? Et surtout, si un mec a déjà demandé une fille en mariage, eh ben comment ça s'est passé également? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous tout, appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, tu restes encore avec nous, Fred? Oui, oui. Bon, très bien, bon, bouge pas. T'es avec elle depuis combien de temps, tu m'as dit? Ça va faire un an. Non mais attends, je viens de voir ton âge dans le standard là, je l'avais dit en plus ton âge, mais t'as 17 ans, pourquoi tu veux te marier, t'es ouf? Bah ouais mec. Bah c'est ça les religions gitanes. Les quoi? Oui je suis gitan, donc on se marie très tôt. Donc. Oh, mais enfin 17 ans quand même. Bah si. Ah ouais. Ah je sais pas, vous vous mariez si tôt, d'accord, bon après c'est ton choix, hein, si tu veux, t'es libre à toi, y a pas de problème. Donc comment faire? Voilà, donc vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu restes avec nous Fred, on va prendre Nicolas avec le gagnant de la colle éventuelle, Nicolas qui est avec nous de Marseille. Nico, toujours là Nico donc, hein, très bien. Alors, on va enfin donner la réponse à la colle. J'avais du minuit 30, eh ben il est tout pile minuit 30. On va donc appeler quelqu'un qui a peut-être la bonne réponse à ta colle, hein, qui en tout cas a envoyé la bonne réponse par SMS ou sur le Facebook de l'émission. On l'appelle maintenant, s'il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne et tu perds. Si jamais il ne décroche pas, c'est toi qui gagne, d'accord? Ouais. Allez, on y va, c'est parti, on appelle, je te souhaite bonne chance Nico. Merci. Eh ben écoute, je t'en prie, de toute façon c'est tout ce qui reste à faire, hein. C'est prier pour toi là. Ah ben il reste plus que ça à faire, je te confirme. Allô? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sonia. Salut Sonia. Salut. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Sonia, t'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans, et je te présente Nicolas qui a une colle à te poser. Ok, j'écoute. Alors, est-ce qu'il y a des racines que personne ne voit et qui pourtant montent mais ne grandit pas? Moi, j'ai pensé à une montagne. Oui. Eh ben voilà. Ouais, ben, c'est super. Ouais. Eh ben bravo. Ouh. À toi, Sonia. Bon, bah félicitations. Merci, avec plaisir. Ah ben, super, super contente. Bah tu m'étonnes, super. Tu m'étonnes. C'est pour toi du coup, pas le cadeau, la tablette ou la console? Ben moi je veux la console, oui, pour moi. D'accord, et ben écoute, ben amuse-toi bien Sonia, hein, y a pas de problème. Ben, hein. Super, hein. La Nintendo 3DS est la deuxième qu'on file ce soir, donc sans problème. Je te fais des gros bisous Sonia. Bisous bisous, à bisous, bientôt. Bisous bisous. Et désolé Nicolas, hein. Bon malheureusement c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est pas grave. Bon on va quand même te filer un pack fun Nico, t'inquiète, d'accord? Ouais. Bon on embrasse tout le monde à Marseille. Allez l'OM! Ok. Bah, il s'en rend, lui. Salut Nico, il aurait préféré gagner, tu m'étonnes. Salut Nico, ouais. Salut Sonia, je vous embrasse tous les salut. Deux. Salut. Tiens, et Sonia, toi qui as 28, tu m'as dit, ou 26? 26, t'as pas des conseils à donner à Fred, toi? Il veut demander sa meuf en mariage, mais il sait pas trop comment, là. Moi, honnêtement, il est jeune. Non, mais d'accord, mais après, ça c'est son choix. S'il a envie de la demander en mariage, il la demande. Mais comment faire? T'aimerais qu'on te demande. Est-ce que t'es marié, toi? Non, mais moi, je vais en concubinage. D'accord. Et comment t'aimerais que ton mec te demande en mariage? Allongé nu. Avec une grosse rose à la place de la bite. Ouais. Oh, avec la tige, avec la tige et les pics de trucs dans l'urètre. Ah tiens, allez hop. Tiens ma chérie, do you marry me? Non ouais, mais t'aimerais comment toi? En toute intimité, il prépare un truc dans un resto ou pas. Ah, dans un resto? Ouais, enfin, il invite quelque part, même en style romantique, quoi, voilà. Ouais. Il lui fait un petit repas et tout, et puis voilà, il a... Enfin, je sais pas, enfin, il a une demande... il lui fait une demande à sa façon, je sais pas, il a quand même un vécu avec elle, il doit... Ouais, voir... mais justement, il a pas trop d'idées, c'est pour ça, il voulait avoir... il voulait avoir des idées, quoi. C'est il vrai a une qu'à... caravane, non? Ouais, non, mais après, il y a plein de... Après, il y a plein d'idées, tu vois, c'est vrai qu'elle est dans le resto, les genoux, planquer la bague dans le champagne, ou j'en sais rien moi. Il y a mieux, il fait avec la bague comme les mecs là qui t'essaient de. Tu sais, ah. les mecs dans la rue qui essayent de te croquer là. Tu sais, t'es parqué, t'attends quelqu'un, n'importe quoi. Et le mec il arrive, il marche à côté de toi et puis après hop, il s'abaisse et il fait style à trouver une bague. Comme ça il te dit ouais, écoute, tu me files 50 euros, c'est une bague en or, tu fais une affaire. Hein. Si jamais c'est pas la tienne, c'est pas la mienne non plus, mais on s'en sort bien, tu me files 50 euros, je te la file, sauf que c'est une blague de merde. Et donc du coup, ça peut être pas mal ça. Tu te mets à côté d'elle, tu trouves une bague, tiens, c'est à toi, non? Ah bah tu veux m'épouser? Ah hop là. C'est beau ouais. Ah, ah c'est j'aime bien l'idée. Ouais, c'est bien ringard comme idée. Bon bah écoute, merci Sonia en tout cas. Ouais. Hein. Bah en tout cas voilà, merci à vous. Et bah. Bisous bisous. Gros bisous Sonia, je t'embrasse. Bon, il y a Marc, on va prendre dans quelques minutes, qui apparemment a un beau conseil. T'es là Marc de Paris? Ah mais c'est Marc. je suis là les gars, je suis revenu là. Ah, alors Marc, on l'avait eu hier. Je vais te chicoter Marc. Eh oui, Marc. Chicoter les gars, j'ai une histoire de malade. Racontez quoi, le sujet intéressant quoi. Bon, Marc donc qui va nous expliquer, qui va te donner un conseil Fred pour le mariage là, d'accord ? Okay. Y a pas de problème. Bon, reste avec nous Fred, reste avec nous Marc, il y aura Sarah dans quelques minutes et puis on va se faire les appels de Toff dans quelques instants aussi d'ailleurs sur Fun Radio, donc bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et je vous ai fait languir, je vais vous le mettre dans quelques minutes hein, le passage avec Jean-François d'hier là, rassurez-vous. Bon, prévenez vos potes qui étaient pas avec nous d'ailleurs hier soir, il faut se brancher sur Fun Radio dans 5 minutes, je vous le passe. Le temps de se chiller pépère en pleine nuit là, minuit 35 au cœur de la nuit sans pub, avec le son de Pharrell Williams, c'est Marilyn Monroe maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. This one goes out. All the lovers. Ah, on s'est mis bien avec le son de Pharrell Williams. Là, c'était Marilyn Monroe à l'instant sur Fun Radio. Là, bienvenue tout le monde. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, vous avez été nombreux à l'attendre. Et bien voilà, Jean-François, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'était du très très lourd. Vous avez été énormément nombreux à demander qu'on remette le message. Eh ben, enfin le message, son passage plutôt. Eh ben, on va le remettre pour ceux qui n'étaient pas là hier. C'est Jean-François qu'on avait déjà eu au téléphone, qui est chaud comme la braise après Cristal, qu'on avait eu il y a 15 jours au téléphone. On n'avait plus réussi à joindre Jean-François. Et hier, magnifique, on a réussi à joindre tout le monde. Cristal, Vanessa, Jean-François. Ah, tout le monde était là. Tout le monde était là et c'était magnifique. Attends, bouge pas. C'est bon, Cristal ? Voyons là, très bien. Cristal, bonjour. Allô ? Ah, oh, comment ça va, Cristal ? Oh, je suis fou ! Ah, bah, génial ! Oh, je me sens fou, ça ah fait plaisir ! Bah oui ! Jean-François, bon. Je t'inquiète ! Bon, Jean-François, je te passe Cristal ! Allô, Jean-François ? Oui ? Oh, j'étais très inquiète ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai envie de faire l'amour ! Mais moi aussi ! J'étais là, j'étais tout chaude ! Et j'avais envie de toi ! Et tu me répondais pas, je t'appelais, tu décrochais pas. Ah, excuse-moi, Cristal. Ah bah oui, il faut que tu te fasses pardonner maintenant. Hein. En passant en antenne. Mais oui, en plus, il y avait ma copine Vanessa. Tu te souviens de Vanessa ? Oui, Vanessa, je m'en souviens. Oui, bah oui, elle était là, on a pleuré toutes les deux, on a été obligés de se faire des choses comme t'étais pas là. Elle a pas fait une dépression, moi. Non, t'en avais pas, mais je viens de t'en trouver. Allô Jean-François. Oui. Jean-François. Oui, Jean-François. Bah, tu nous as manqué. Vanessa. Mais oui, oui, c'est moi. Pas moi Vanessa, pas oui, moi. Oui, je suis là. Dans ton oreille, dans le creux de ton oreille, Jean-François. T'as une jolie voix. Ah bah pas encore, chaque chose en son temps. On se parle. On peut pas se parler hors antenne. Hors antenne de quoi? On est hors antenne. Ah, on est hors antenne. Ah oui. Bah oui, ils ont mis de la musique. Je suis avec Vanessa et Cristal. Eh oui, oui, on est là. Toutes les deux, rien que pour toi. Elle a mis le haut-parleur. Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu veux nous faire, JF ? Avant, j'avais préparé une cafetière de café. Ah, c'est excitant, une cafetière. Oh, oui, tu pourrais me la mettre, la cafetière ? Tu veux que je te mets dans le vagin ? Ah oui. En pierre. Toute la cafetière. Avec le café dedans ? Remplie, bien sûr, chaude. Je veux bien. Ah oui. Ah oui, Jean-François, est-ce que tu pourrais... Parce que la dernière fois, t'avais réussi à m'exciter un petit peu. Donner ton prénom plusieurs fois d'affilée. Jean-François. Ah oui. Vas-y. Continue. Jean-François. Ah oui. Tu vas avoir un orgasme. Ah oui. Jean-François. Fais-moi jouir. Passe-moi un dessin un peu. Oui. Je te la passe. Mais on est, y a le haut-parleur, on t'entend tout. Oui, on t'entend. Continue à donner ton prénom, ça m'excite énormément. Oui. J'ai entendu caresser la chatte. Jean-François. Oui, continue, encore. Je pense à la machine. Vous m'excitez, tous les deux, vous m'excitez. Mais oui, mais c'est normal. Plus fort, Jean-François. En plus, avec la... Plus fort. En plus, avec la cafetière. Ah oui. Tu sais d'où je mets du café dans la vase. Ah oui. Oui, voilà, mets-nous du café. Ah oui, bien chaud, du café bouillant. Oui. C'est un excitant pour le vagin. Oui, oui, oui. Ah, oui. Le clitoris. Et après, tu boiras le café. Je laisse ta chatte, toi. Oh oui.

Oh là là là là oh, là, mon Dieu, drôle. C'était lourd. Il y a Mystique sur le Twitter qui dit il me fait autant délirer qu'hier, ce mec putain de réécouter encore et encore, je me fais plier en deux jusqu'aux larmes. Il y a Echo qui dit oh putain, mais ce JF est tellement improbable, c'est énorme. Clara qui dit vous êtes trop des ouf, vas-y crie ton nom Jean-François, la voix qu'il a en vrai. Alan qui dit mort de rire, je décède une deuxième fois, j'ai entendu hier, mais aujourd'hui ça me fait toujours autant marrer. Alan qui dit je décède une deuxième fois, je l'avais déjà lu. Laetitia qui dit ah j'adore, non mais sérieux Jean-François il m'a tué. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Laura également, je suis pied de rire, le mec il s'excite devant des milliers d'auditeurs. Non, parce qu'il croyait qu'en fait on était hors antenne. Oui, enfin. Voilà, enfin je pense qu'on aurait rien changé, hein, mais bon. Et la petite fée qui dit aïe aïe aïe, je suis mort de rire, j'ai mal au ventre tellement que je rigole. Vous êtes des oufs et je pénètre ta touche sur le Twitter qui dit alors là c'est mythique le moment où il se branle mort de rire. Oh putain, non mais c'était juste du. C'était pas du lourd là, on était au-delà du lourd. Ah oui, non, là, lui c'est. On lui, était c'est... au-delà de toute attente. Un truc de dingue. Bon, et en parlant de lourdeur, on a Timothée avec nous là de Nancy là. Il est doux. Salut. Ah, petite douceur. Timothée qu'on avait eu hier en fin d'émission, on n'a pas eu le temps de terminer avec toi, dis donc. Ouais. Bon, et avant de parler de mariage avec notre ami Fred, Timothée, qu'est-ce qui t'amène? Raconte-nous, rappelle-nous pourquoi tu nous avais appelé hier. Ben, en fait, nous, on a un pote, ben, il saute dessus. Tu vois, ça aussi, ça me fait toujours autant marrer qu'hier. Bon, donc un mec qui s'autosuce, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez grillé en train de s'autosucer, c'est ça? Ouais, à peu près dans les chiottes. Comment ça, à peu près? Il s'autosuçait ou il s'autosuçait pas? Bah, il avait encore un peu de sperme au lait. Non, on t'entend mal, t'as le kit ma libre? Non, je suis au téléphone. Il est tellement doux qu'il arrive, que le son n'arrive pas à passer. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. Non, bon. Là, vous entendez? Ouais, là, ça va, ouais. Donc, tu disais pourquoi à peu près? À peu près parce que c'était pas complètement en fait. C'était genre à moitié. Ouais, il... Non mais tu sais le quand tu te fais pomper le dard, bon après c'était peut-être pas encore arrivé, mais même si elle n'a que le gland en bouche, c'est sucé, c'est pas à moitié. Tu vois ce que je veux dire, oui. C'est comme si tu te fais griller par ta meuf, une autre meuf qui est en train de te sucer. Non mais c'était à moitié, elle l'avait pas complètement en bouche. Ah bon, alors d'accord. Alors ça va. Bon, et du coup je vous ai demandé hier soir, mais on n'avait pas eu le temps de terminer évidemment là-dessus. Est-ce que vous avez déjà grillé vos copains ou copines ou des copains ou copines en train de se faire plaisir de manière un peu particulière, comme là par exemple s'auto-sucer? Ou se branler avec des pizzas. Ou se branler avec des pizzas, c'est vrai. Non, qu'on était moi j'ai jamais arrivé, ouais. Ça. Jamais, c'était jamais non. Arrivé. D'accord, ok. Bon bah dites-nous les autres, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Timothée. Ouais. Tu t'es déjà auto-sucé toi? Non. Et t'as déjà essayé? Non. Sois franc avec moi, Timothée. Dis la vérité. Non. Dis la vérité. Non. Allez. Il est trop doux. Il est doux. Bon, passe tout ton pote là derrière. Oui, il l'a déjà fait. Mais. Alors, Gaspard là derrière, c'est Gaspard. Passe-nous Gaspard. Ça arrive avec Gaspard, bâtard. J'ai dit hier ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, je vous le passe. Vas-y. Hey, Gaspard. Ouais, allô. Et ça va, Gaspard? Dis-moi, ouais, Timothée, il s'est déjà auto-sucé, non? Mais oui. Oh, le bâtard. Non, mais en fait, c'est lui, en fait, si vous voulez. Ah, je le savais. Genre, j'ai un pote qui... Eh, hey, Gaspard, est-ce qu'il est doux, Timothée? Ah bah, très doux. Ah bah ouais. Ah bah, il est surtout très souple. Hein, parce que s'auto-sucer, tout le monde n'arrive pas à le faire. Hein. Ah bah non. Ah bah moi non. Moi je connais quelqu'un ici, je donnerais pas son nom, qui s'est auto-sucé dans le couloir tout à l'heure, on a testé. Je parie que Toff, s'il pouvait y arriver, il le ferait. Ah bah grave, moi si je pouvais m'auto-sucer, je me sucerais tous les soirs. Oh quelle horreur. Je me ferais une bonne pipe et tout, puis au moins je serais sûr qu'elle serait bien faite. Oui, ça reste à prouver, hein. De quoi, mais attends, je serais jamais mieux sucé que par moi-même. Eh ben, tu vois, moi je suis pas d'accord avec ça dans le sens où j'aime pas me faire sucer à l'envers. Mais non, mais ça, c'est si, encore. Non, mais c'est vrai. Se faire sucer à l'envers, ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. Ça dit, ta meuf, elle te prend par les pieds au plafond. Mais non. Par exemple, quand ta meuf te suce dans le côté basique, en imaginant elle joue n'importe quoi, c'est-à-dire que t'as le dessus du gland qui est sur le palais. Arrête, t'es sérieux ou quoi? C'est vrai. Alors, c'est quand même c'est pour le mec, ça que j'aime pas le 69. Alors par exemple, si elle te suce à l'envers, c'est ce que j'appelle comme ça, du coup t'as le dessus du gland qui est sur la langue et ça n'a pas du tout la même sensation. Oh là, c'est vrai. Pas de cravate de notaire quoi. Non. Attends, on est plusieurs là, on a une question à vous poser. Dis-moi. Enfin nous on a une idée en fait, un boucaké, qu'est-ce que c'est? Enfin nous on a une idée de ce que c'est mais on n'est pas sûr. Un quoi? Un boucaque. Ah oui, attends, un boucaque c'est un truc porno, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que tu peux boucher les oreilles de Timothée? Il est trop doux pour entendre ça. Ouais, il est trop jeune. Non, ils disent que t'es trop doux, donc... T'es trop doux. T'es trop doux, Timothée. Pourquoi ils me l'ont dit juste avant? Et en fait, tu sais ce que c'est ou pas? Bah, enfin, nous, on a une idée, mais on n'est pas sûr. Vas-y, dis-moi ce que c'est. C'est pas... Mais en fait, il y a des mecs, enfin, plusieurs. Ouais. En fait, il y a une meuf, et puis ils ont tous une facelle, quoi, et puis après, elle bouffe. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, bah, bon appétit, bien sûr. Eh, oh, Timothée, il a rien entendu, j'espère, hein. Non, t'inquiète. Ah bon, d'accord. Merde. Il est trop doux. Ah ouais, putain, alors que déjà qu'il saute au sus, le Timothée, là. Putain. Non, mais c'est comme Timothée, c'est comme une petite boule de poils douce. Ouais, c'est comme un chaton. Il est là, il est pépère. Bon. Ouais, repasse-nous, ouais. Ouais, dédicace à tous ceux qui me reconnaissent. Allez, ça roule. Et d'ailleurs, vous êtes dans quelle colonie, là? Attends, c'est à Villeneuve et à Tonchâtel. C'est où? C'est en Lorraine. Non, mais c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? C'est le truc... Ah oui, Silver Knight. Silver Knight? Non, c'est une boîte de nuit au truc. Ah d'accord, non, mais c'est juste pour savoir que tout le monde sache que Timothée est dans cet endroit-là, s'autosuce, quoi. Voilà, c'était pour ça. Bon, allez, salut. Ça roule, salut Gaspard, ciao à toi. Bon, Timothée. Allô? Eh, c'est pas grave, tu pouvais nous le dire que tu t'autosuces, c'est pas grave. On t'aime toujours. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est des gens. Mais c'est rien, t'inquiète, y a pas de problème, Timothée. C'est pas grave. Et on avait une question avec moi. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Bah ouais, oui, c'est quoi la question? En fait, on voulait un message de bienvenue. Ah bon, lequel? T'en as un en particulier que t'as envie d'entendre, là? Non, n'importe lequel. Ouais, le plus gros, là, un bien gore. Un bien gore? Mais t'es trop doux, toi. Attends, bah j'en ai un. Et, alors, bouge tes oreilles. D'accord. Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire un tout drôle, à toi, gros PDA. Voilà. Gros PDA, que tu es, va. Voilà, c'était notre ami qu'on avait appelé tout à l'heure, là. Bon, allez, salut, Timothée. Salut. Ciao à toi, mec. Si Michael et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Michael No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Michael. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio. Bienvenue, on va faire les appels avec Tof dans quelques minutes. Restez là, toujours pour savoir avec quoi vous vous branlez. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà astiqué ou pas avec des aliments? On va poser la question à tout le monde dans quelques minutes. Retour avec Fred qui veut demander sa copine au mariage, mais il sait pas comment. Tout le monde est là pour les... On en revient, on vit après Daft Punk sur Fun, c'est une Sound Crush. Le son des Daft Punk à l'instant sur Fun Radio avec fan de Coco qui dit je viens de voir que Mickey est en top tweet. Oui, effectivement, on a vu ça. Ouais, bah merci beaucoup comme d'habitude, puisque c'est grâce à vous en l'occurrence, avec un maximum de hashtags, de messages avec le hashtag et Mickey dans tous vos messages sur le Twitter. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickey, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, et il y a Nathan qui dit moi je me masturbe dans mon riz au lait, puis je le mange avec les pieds. Oh. C'était sur le Facebook, ça. Il y a Priscilla aussi. Au pire, au concert de 30 Seconds to Mars, quelqu'un a fait sa demande sur scène. Ouais, c'est bien aussi ça. Après, il faut connaître Jared. Un concert, quoi. Ouais, et puis il faut connaître Jared et tout. Il y a Nespa qui dit Mickaël en top tweet, c'est cool. Bah oui, mais c'est surtout cool. Merci à vous. Ouais. Le nom de ce truc mort de rire, il m'a tué. Ah oui, le nom du truc que Timothée demandait, la Dorian également qui avait envoyé le message. Samia qui dit pauvre Timothée, vous foutez sa gueule, bichette. Il y a DJ qui dit mon frère s'est déjà masturbé avec du Nutella. Selon lui, c'était bien. Bon, je vois pas ce qui peut être bien, mais bon. Et Attachion qui dit la phrase du soir est attribuée à Tov, je ne serai jamais mieux sucé que par moi-même. Grave, c'est vrai. Bah non, bah, comme je te dis, c'est pas vrai du tout. Bah bien sûr que si. Mais non, Clémamba qui dit je serai jamais mieux sucé que par moi-même, il est pas sérieux. Echo également, Timothée, même quand il insulte, il est doux. Et Benji Spears également sur le Twitter. Mon Dieu, je décède de rire avec le Jean-François à l'instant. Allez, plein de messages encore qui arrivent au fur et à mesure sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre également. Hein. On est déjà très très nombreux. Hein. L'émission n'existe que depuis 7 mois. Là. On est déjà 357 000 sur le Facebook de l'émission. Donc continuez, prévenez vos potes. Il se passe enfin un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h du mat. Et le dimanche de 20h à minuit, venez, faites-les venir sur dans l'émission et sur le Facebook. Hein. Tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Bon, depuis tout à l'heure, on appelle des gens afin de leur demander s'ils se sont déjà masturbés avec des aliments. Oui. Des aliments. C'est un, oui, c'est un Américain qui s'est branlé dans des, qu'on appelle ça, des crêpes à réchauffer. Les, non, c'est des, tu sais, les trucs aux pommes là, tu sais. Ah, les tartes, espèce de chaussons aux pommes que chaussons tu mets. Chaussons aux pommes. Voilà, ouais. Exact. Et puis, au four pour réchauffer. Ouais. Et puis il y en a un autre qui s'est fait, qui s'est branlé aussi dans une Domino's pizza. Sauf qu'il a porté plainte contre Domino's parce qu'il s'est brûlé la bite parce qu'il était pas marqué sur la boîte qu'il ne pouvait pas se branler avec. Alors, est-ce que le mec a testé les autres marques? Ah, je sais pas. Est-ce qu'il a testé Pizza Hut et Pizza Hut? Je sais pas. Ouais, c'est la cheesy crust du Pizza Hut. Ah ouais, tu mets ta bite dans le fromage. Ça, il a dû faire parce qu'il a regardé quand c'est, il a fait la pizza. Non, c'est un peu petit quand même. Bon, genre. Bon, on appelle encore d'autres numéros là, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et on récupère Fred avec sa demande en mariage juste après. La transition sera parfaite. Il est 1h du mat sur Fun Radio. Et d'ailleurs, partout d'ailleurs aussi. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments. Masturbé avec des aliments ? Oui, c'est ça. Non. Non. Et d'accord. Bon, ben, tant pis alors. Merci monsieur. Mais vous êtes con ou quoi ? Mais pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça ? Non, mais vous allez pas bien dans votre tête. Hein ? Ben si, ça va très bien monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça ? Mais d'où vous appelez les gens déjà ? De Paris monsieur. De Paris, mais je m'en branle. Ben vous venez de me demander d'où je vous appelais. Non mais arrêtez de me prendre pour un con. Hein. Mais je vous prends pas pour un con monsieur. C'est... Vous me demandez d'où je vous appelle, je vous réponds, je suis à Paris. Mais vous me faites chier, allez vous mettre vos légumes dans le cul, hein ? Mais pourquoi vous dites ça monsieur, c'est pas gentil. Ah bah il a raccroché donc le con là, on va le rappeler quand même. Bah oui, il me demande d'où j'appelle et après ça l'intéresse pas. Bah c'est ça, bon on y va, on le rappelle. Allô. Oui je m'excuse monsieur mais faut pas le prendre comme ça, moi je vous appelle gentiment et puis là vous vous énervez, ça se fait pas monsieur. Non mais c'est quoi ces questions? Bah c'est une question simple monsieur, est-ce que vous vous êtes déjà masturbé avec des aliments? Mais même, ça ne vous regarde pas. Bah c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Mais allez-vous masturber avec vos aliments, là. Mais si vous voulez, monsieur, mais vous, alors, vous le faites ou pas? Et votre femme, alors? Mais je vois pas le rapport, monsieur, on parlait de vous. Non, mais... Vous me faites chier, là, hein, à 22h, hein. Mais pas du tout. Arrêter. Mais pas du tout. Faut arrêter les conneries, hein. Mais pas du tout, moi, je vous appelle gentiment, monsieur. Mais je vais venir te casser la gueule, oui. Mais pourquoi, monsieur, vous voulez me casser la gueule? Petit pédé, va. Mais pas du tout, monsieur, enfin, s'il vous plaît. Ah non, je vous permets pas. Bah c'est moi qui vous permets pas monsieur, moi je vous appelle gentiment, vous m'insultez. Et où vous habitez? Petit pédé, je vais te casser la gueule. Hein. Mais je suis à Paris moi monsieur. Ah oui, et donne-moi ton adresse. Alors je suis 20. Non oui, c'est ça oui, foutre de ma gueule, donne-moi une fausse adresse aussi. Bah si vous voulez je peux vous donner une autre mais ça sera pas la mienne. Oh putain toi alors, mais tu vas t'en manger une. Bah oui mais vous me demandez mon adresse, vous voulez pas l'écouter, je comprends pas. Mais vous foutez de ma gueule, arrêtez. Mais pas du tout, je vous donne ma vraie adresse, monsieur, moi je suis pas comme ça. Je sais ta bien gueule, que. Vous... Pédé, je ta sais... gueule. Je sais bien que vous viendrez pas. Allô. Ah merde, il est nouveau parti, putain. Bon, on le rappelle encore un coup, là. C'est parti, hop. Ouais, c'est parti. Oh putain, mais toi tu cherches les emmerdes, hein. Mais pas du tout, monsieur, mais je vous sens un peu énervé. Non, tu crois? Bah, c'est bizarre parce qu'il y a pas de raison, monsieur. Mais ça vous fait rire en plus. Bah pas du tout monsieur, moi ça m'ennuie que vous soyez énervé alors que je vous appelais simplement pour vous poser une petite question gentille. Mais votre question, avec vos légumes là, vous les mettez dans le cul. Ah non, mais ça peut, vous pourriez vous masturber avec des pâtes aussi monsieur, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est quoi cette question? Mais vous êtes pas bien dans votre tête, hein? Bah si, moi ça va et vous monsieur? Non mais faut arrêter. Allez dans un asile ou allez vous faire soigner, mais vous êtes pas bien. Mais si, moi je vais très bien monsieur. Oh allez vous faire foutre. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? C'est pas gentil. Mais est-ce que vous êtes gentil à venir m'appeler pour me demander si je vous mets des légumes, masturber avec des légumes? Oui, j'ai pas parlé de légumes, monsieur. C'est vous qui parlez de légumes, hein. C'est vous qui faites une fixation sur les légumes. Moi, vous aurez pu vous parler de légumes. Vous pourriez vous mettre dans une tarte ou dans un plat de pâtes, que ça ne me dérange pas. Et pourquoi vous me parlez de pâtes maintenant? Bah, pour vous masturber, monsieur. Vous voyez, vous les mettez dans un gant de toilette, puis vous mettez le gant de toilette sur votre bite et vous faites monter, descendre. Mais faites-le vous-même. Bah oui, mais moi je veux bien monsieur, mais moi je vous demande si vous l'avez déjà fait. Mais ça ne vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Mais vous me faites chier. Allez vous faire foutre, non. Ah, le mec il s'énerve comme ça avant de raccrocher. Bon, je pense qu'on a eu ce qu'on voulait. Hein. Samuel qui dit, allez vous mettre vos légumes dans le cul. C'est qui ce mongol qui taille comme un clampin. Alex et Alexis, pardon aussi. Allez vous mettre vos légumes dans le cul, ça m'a tué. Lola également, mort de rire, le gars il est fou. Et attachante également, il y a que Polo pour oser dire ça passe crème en parlant de masturbation. Oh, oui. Mais non, il y a Loïc aussi. Voilà mon excuse pour ne pas aller en cours. Je dors au lieu d'aller en cours car la nuit je préfère me taper des barres en écoutant Mickaël. Écoute, tu peux essayer Loïc, je ne garantis pas les résultats mais tu peux essayer. Et oui, je travaille dans une maison de retraite, je retrouve des capotes. Bah c'est bien, oh, comme quand même les vieux se protègent, hein. C'est bien, mais c'est bien. Et Johan qui dit, je suis toujours aussi plus de rire comme hier, hein. Vous êtes des grands malades, salut à toute l'équipe. Dorian également, les mieux, je suis mort de rire, je vais réveiller mes parents mais je m'en fous. Et Lola encore, mort de rire, c'est bon, on m'a perdu, je suis mort de rire, ça y est, vous m'apportez des fleurs sur ma tombe. Bah, bien sûr Lola, t'inquiète pas, on va pas te laisser comme ça. Et Tom, salut, je vous écoute depuis 6 mois, j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Ah bah oui, on peut pas en mettre à tout le monde non plus, mais là du coup je vais pouvoir t'en mettre un crème. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà. Il y a longtemps celui-là. Oui, c'est vrai, comme ça parfois je vais chercher dans les vieux. Dans les collectors. Ouais, dans les collectors, exactement. Bon, retour avec les appels de Toff, ce sera tout à l'heure. Et puis on va prendre Fred également qui est avec nous là, Fred. Oui. Bon, Fred qui nous avait appelé parce qu'il veut demander sa copine en mariage, mais tu sais pas comment. Et heureusement, tu es tombé sur un spécialiste qu'on a rencontré hier, qui nous avait expliqué que sa femme s'était déjà barrée avec une autre. Et avec un autre, pardon, c'est Marc qui est avec nous de Paris. Marc. Yes, I. Coupe ta radio, Marc. Ok. Vas-y. C'est bon, quoi. Parfait. Bon, alors, Marc, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner, toi? Parce que alias t'as Sherlock Holmes. T'as déjà demandé une fille en mariage, toi, Marc. T'es un professionnel. J'ai demandé, mais c'est pas dit, ça a mal tourné, quoi. Bah oui, on a pris ça hier, elle s'est barrée avec un autre. Avec Bernard. J'ai demandé, la demande en mariage a mal tourné, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la boulette, quoi. J'ai raconté un peu, j'étais en vacances, quoi. J'étais parti en vacances, je pensais que le climat était adéquat, quoi. C'était où en vacances? J'étais en partie en voyage là en Tunisie là vers où là-bas quoi. Ah oui, donc le climat vers était adéquat. Ouais, le climat était adéquat quoi, il y avait le soleil partout quoi, c'était bon quoi. Ouais bah oui. Donc parfait pour demander une fille en mariage. Et alors il s'est passé quoi? C'était parfait. Je suis parti acheter une petite bague là et un truc, une joujotte là au souk là. J'ai acheté ça quoi. Après je me suis dit, je vais demander à côté de la mer, tu vois, petite ambiance aquatique quoi. Bah oui, grave, t'as bien fait, romantique et tout, Marc. Tranquille, ben oui. J'ai fait flic, je la ramène au bord de la mer quoi. Petite ambiance, petit bouquet de fleurs, tout ça quoi, petite bague dans la poche quoi. Je la ramène, elle s'est mise sur 31. Ouais. Elle s'approche de l'eau comme ça, je demande. Quand tout d'un coup, il y a une grosse vague, quoi. Il y a une grosse vague. La grosse vague est tombée dans l'eau salée, quoi. J'avais oublié, elle avait pas pris le certificat de natation. Elle s'est fait pas nager. J'ai attrapé, quoi. J'ai dû sauter dans l'eau. Non, du coup, t'es trempé. J'étais tout mouillé. Ah, putain, et c'est ça qui a fait foirer la demande en mariage. T'as tout niqué, quoi. On est rentré, on s'est séché. Du coup, j'ai pas pu demander, quoi. C'est pour ça, je lui dis, s'il veut demander une femme en mariage, quoi, il vérifie si elle a le certificat de natation. Après, c'est la merde. Ah ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ça. Concrètement, Fred. Oui. Bon, s'il a pas son certificat du 100 mètres, c'est pas possible. Ouais, mais je compte pas la demander non plus à côté d'une mère. Ah bon, pourquoi? Ouais, je sais pas si elle se noie après. Et donc sa mère ne sera pas invitée au mariage. Exactement. Parce voilà. Qu'il a peur qu'elle se noie dans sa mère. Alors, j'ai rien compris. À côté de la plage, quoi, sur la plage. Non, mais il a un autre conseil, Marc, peut-être? Comment il ferait, Marc? Ah moi c'est... Attends, là tu me poses une colle quoi quand même, attends. Non mais attends, mais tu peux pas enquêter. Là tout de suite je te dirais que je ferai autrement, direct. Ah bah oui, il va pas faire deux fois la même erreur. Plus les dos. Tu as retenu quoi. Ah bah bien sûr qu'on l'a retenu, t'inquiète pas, tu nous as marqué. Les auditeurs aussi d'ailleurs, il me fait toujours aussi autant marier Marc avec son accent, c'est One Love qui avait envoyé le message. Et Lola aussi qui t'aime bien là, il me tue ce mec à chaque fois, il dit une phrase, quoi, oh putain je meurs. Et bon, non, effectivement putain, donnez-moi les numéros quoi, que je flicote avec eux quoi. Ah bah Marc, non, t'as dit que t'avais une meuf qui était méga bonne hier. Et ma meuf écoute pas Fun Radio quoi. Ah oui d'accord, alors ça va, alors y a pas de problème. Bon bah merci Marc. Y'a pas de problème les gars quoi. Et tu rappelles quand tu veux hein. Je rappellerai, y a pas de problème. Je voudrais juste faire une petite dédicace à mes amis. Je leur ai dit que Fun Radio était un peu complice avec moi. Eh ben oui, tout à fait, on est complice avec toi. J'ai fait une petite dédicace à mes amis, ils habitent à Voisin Beach Club, quoi. Mathis Deba, oui, avec Delta, avec Tommy. On est tous là en équipe, quoi. On représente un peu, si on peut, on peut. Je rappellerai, je passerai des nouvelles. Mais quoi. Avec plaisir, Marc, quoi. Pas de problème. Et salut, pouvez, Marc. Pouvez, problème, quoi. Vous pouvez essayer de me faire gagner une console, un de ces quatre, quoi. J'ai ouais, ouais, mais à l'occasion, alors, à l'occasion. Ah oui, j'ai dit à l'occasion. Vous oui, oui, oui. On fera plutôt ça à ce moment-là. Marc, il peut pas faire un chéri, je peux te faire cocu. Ah oui, putain, avec ta meuf. Allez, direct. Non, bah pas direct là, il faut qu'on l'appelle et tout à l'avant. Mais attends, ça peut être très drôle. Attends, je te repasse Sandro pour gérer ça, Marc. Ça peut être très drôle. Salut, ouais, Marc. Je te repasse Sandro. Salut à toi, Marc. Bon, Fred. Oui. Bon, j'espère que t'as été bien aidé par Marc. Bah, sinon, moi je comptais la demander carrément bah, à la radio, quoi. Ah, bah, c'est une bonne idée. Mais alors, attends, il y a d'abord Laura qui est avec nous de Bruxelles là. Salut, Laura. Bonsoir, Mickaël. Oh là là. Comment ça va? Ah, très bien. Eh, bah, je pensais qu'on allait être aidé, moi. Alors, Laura. T'as des conseils oui. à donner, toi, à Fred? Oh oui, je voulais savoir, je sais qu'elle avait 17 ans. Oh putain, je crois que l'école est passée par là aussi. Tu crois qu'elle connaît Christine? Je sais pas. Bah ouais, mais je l'aime, quoi, c'est un problème. Oh mais attends, encore un peu, ça fait parce qu'il y a un an que tu la connais, non? Bon, attends, parce que le bon conseil de Laura, c'est je vais demander ma copine en mariage, mais tu vas faire la plus grosse connerie de ta vie. Espèce de petit connard, je vais te mettre une baffe, espèce de chien. Oh, on est bon là, on est bon. Donc toi, tu veux pas qu'il se marie, Laura? Tu profites un peu de sa vie. Hein. Bah ouais, mais il a pas envie. Si pour lui, profiter, c'est se marier, bah il en profite. Et après, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va acheter une guitare et ça, il va faire le tour des routes avec sa roulotte. Voilà. En chantant Joby Joba. Il va se marier à 17 ans, après à 10 ans, il va se divorcer ou quoi? Ah non. Ben. Ah voilà, mais on sait pas, Laura, t'es en train de faire des genre si tu te maries tôt, tu vas divorcer tôt, ça veut rien dire. Il y en a qui se marient à 30 ans, ils sont divorcés à 33, il y en a qui se marient à 18 et ils restent ensemble toute leur vie, on sait pas. Il y a même le mec à 80 piges là, il a divorcé. Parce, ouais, que ouais, ça, ouais, parce qu'il avait découvert que sa femme l'avait trompé, mais genre dans la 1940, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, donc. Tu profites un peu jusqu'à encore 2 ans. Mais non, mais en fait, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est il y a plein de gens qui disent ouais, il faut que tu profites. Mais oui, mais si pour la personne profiter c'est se marier, bah il va en profiter. Mais oui, ah oui, oui. Sais, mais... Et il pourrait dire la même chose à ceux qui ont 20 ans et qui se marient pas, mais profite. Bah ouais. Tu vois, c'est pareil, donc c'est il faut qu'il profite de ce qu'il a envie de faire, point, tout simplement. Donc si lui il a envie de se marier, qu'il se marie. Alors je lui souhaite tout son bonheur alors. Ah bah évidemment. Attends, on va quand même prendre l'avis de Sarah également avec nous de Marseille, qui est entre Bruxelles et Marseille, ouais. On est pas mal là, au niveau du grand écart. Salut Sarah de Marseille. Michael. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bah très bien, Sarah, sois la bienvenue, t'as 19 ans toi. Qu'est-ce que t'aurais comme conseil à donner à Fred? Bah en fait, je raconte ce que j'ai vécu là. Ouais. Bah en fait, l'année dernière, le jour de mes 18 ans, on devait fêter mon anniversaire. Et mon ex, il m'avait invité. Lui, donc je suis allée et tout. Ouais. Et en fait, il m'a fait une demande de mariage, mais vraiment simple, normal, quoi. D'accord. Costard, cravate, machin, bouquet de fleurs et tout, machin. Ouais. Sauf que moi, j'ai dit oui. Et le problème, c'est que mes parents, en fait, ils n'ont pas accepté. Ah, c'est galère, ça. Ouais, parce qu'en fait, il n'a pas la même religion que moi et tout. Et il n'a pas voulu se convertir. Donc après, ma mère, elle a dit, ben, c'est soit ça, soit il n'y a pas. Écoute, après, voilà. Ah, du coup, tu l'as viré. Bah ouais. Ah oui, c'est con, ouais. Oui. Ah oui, oui. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a, Laura? Non, mais moi, j'ai... Voilà. Très bien, c'était très clair. Je pense que si on retient qu'un seul truc, ce sera celui-là. Ce sera, Moi, je me suis mariée, oui, ok. Mais les parents, ils sont pas d'accord con quoi je me suis mariée. J'ai bien compris. Tu t'es mariée, lui aussi, bah ça tombe sous le sens. Je me suis mariée et tout, mais les parents, ils étaient pas encore, ils étaient pas d'accord. Ouais. Voilà. Mais on s'est marié quand même. Mais on se voit en cachette maintenant. Ah aujourd'hui vous voyez encore en cachette? Mais oui. Ben non, moi je préfère ça moi, non? Ouais mais non mais c'est ça, c'est clair, voilà. Mais si toi t'as pas envie, hein, voilà c'est fait. Bah ouais voilà. Très bien. Et puis c'est. L'avantage c'est que t'as économisé un divorce, en plus. Ouais. Après si tes parents sont d'accord et tout, eh ben franchement tu fais ça le plus simple possible, et ben c'est bon. Bah moi mes parents ils s'en foutent donc. Ah ben voilà. Hey, alors, c'est quoi l'espèce de veau là qui est derrière là? T'entends? Ah ouais, c'est un petit peu de bruit. Je ramène mes vêtements Sarah en même temps. Hein, parce que je suis un peu la traîne à ce niveau-là. Je suis un peu à la traîne. Bon, et eh ben très bien. Bah écoute, Sarah et Laura, merci beaucoup les filles. Merci, au revoir. Et vous revenez. Ah ouais, bah Laura, c'est catégorique. Hein. Salut Laura, salut Sarah, gros bisous les filles, je vous embrasse. Ouais, ciao. Ciao à vous, ciao à vous. Bon bah Fred, du coup, on va appeler ta meuf dans quelques minutes. Ok, pas de soucis. Allez, bah reste là. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, et on écoute le son de Yubal, maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est Klingand. Appelez-nous hein, si vous voulez qu'on délire jusqu'à 2h. Le son de Klingan Yubel sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et il est 1h18 sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. Il y a Marine qui dit décidément j'ai du mal, encore une émission de loupé là. Je veux qu'on me greffe une radio au corps. Bah oui, Marine, mais bon, qu'est-ce que tu fous là? Il y a Frétri Elba qui dit c'est du non-stop, c'est pas possible, je vais mourir. Et n'est-ce pas également, chérie, je peux te faire coquer avec Marc, je suis pour. Ah bah oui, là je pense qu'on peut se marrer. Jojo78 également, Marc et son accent, il est magique. Et Drakid qui dit j'étais tout mouillé quoi. Après c'est la merde quoi, avec sa voix ça me fait délirer. Et Mister Pépère, Marc c'est l'auditeur qu'on va d'avoir hein, pour ceux qui débarquent. Et Mister Pépère qui dit mon pote a fait un trou dans une orange et s'est branlé dedans. On l'a appelé pédofruit. Trop mortel. Tu m'étonnes. Il y a Lolo également, comment elle s'appelle la chanson que tu viens de mettre? Alors c'est Klingan Jubel. Alors Jubel c'est J-U-B-E-L. Et puis le titre c'est donc Klingan K-L-I-N-G-A-N-D-E. Voilà Lula. Margot du 26, le retour de Sherlock Holmes, c'est du Cluedo. Et puis le prince, c'est qu'il y a le retour de Marc, c'est un sacré personnage, je confirme. Et le Messie de la vanne, pour pas éclater de rire et réveiller mes parents, je me suis mordu, maintenant j'ai mal. Ça c'est bon ça. Bon allez, 1h19 sur Fun Radio. On va récupérer Fred maintenant pour appeler la copine en live. Mais avant cela, il y avait quand même Sylvanie qui est avec nous de la Manche à Percy. Salut Sylvanie. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah très très bien Sylvanie. Alors tu voulais réagir à Fred avant qu'on appelle sa future femme. En tout cas j'espère pour lui. Qu'est-ce que tu voulais ajouter Sylvanie? Je rappelle qu'il veut lui la demander en mariage là maintenant en direct live. Moi le mois dernier, début du mois dernier, mon chéri m'a demandé en mariage. Ouais. Il s'est mis à genoux avec une bague. Oh, c'est mignon. C'est choupignon tout plein. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si je voulais l'épouser, j'ai dit oui. Oh, quelle erreur, mais quelle erreur. Bon, et du coup, le mariage, c'est pour quand, Sylvanie? L'année prochaine, le 8 août. Ah, d'accord, ok. C'est marrant parce que Sylvanie, j'ai l'impression que c'est un pays. Oui, c'est ça. Je pars en Sylvanie. Ouais, c'est ça. C'est les pays de l'Est là-bas. Moi, ouais, je veux bien partir dans Sylvanie. Combien mesures-tu? Non, elle va se marier, Tof. Mais oui. C'est pas grave, ça. Bah, si. Combien mesures-tu, Sylvanie? 1m70. Combien pèses-tu? Ça, je le dirai pas. Mais si, tu vas me le dire. Non. Mais si, ça reste entre nous. Non. Allez. Non. Connasse. Oh, du Tof. Quelle merde, ce mec. Quel connard. Alors t'as vu en plus avec la gueule qu'il a, il se permet et en plus il les insulte. Punis-le, ce chien. Exactement. Une minute en haut coin. Voilà, exactement. Voilà. Tu vas pas l'écouter. Merde, c'est pas lui, c'est l'autre. Voilà. Parfait. Si, ça le chien va. C'est très très bien là. Comme ça. Oh là là, ça. Non mais dis donc, Sylvanie, tu peux dire c'est un gros connard et je serais totalement d'accord avec toi. Dis-le. Non, c'est pas comme ça non plus. Si si. Attends, il t'a quand même traité de connasse parce que tu as refusé de donner ton poids, donc tu dis Tof va te faire enculer. Non, je peux pas. Ah bah je le dis à ta place, Tof va te faire enculer. Voilà, moi j'ai pas d'enfant, je le dis. Quand même j'en aurais, je le dirais quand même. La petite fée qui dit Mickaël, je t'ai ramené deux nouveaux éditeurs. Cool la petite fée, merci beaucoup, gros bisous à toi. Et Elise qui dit c'est bon, Tof a bien chié pendant que vous aviez chillé. Oui, à ce niveau là on est plutôt pas mal. Bon donc Sylvanie, comment faire alors pour Fred? Bah qu'il se mette à genoux et avec une bague en lui demandant si elle veut l'épouser. Fred, toi aussi. De quoi? Je vais essayer ça alors. Ah bah non, parce que t'as dit que tu voulais l'appeler en direct. Oh, ouais, mais après... Après. Après, face à face, il peut lui poser aussi la question. Ouais, non, d'accord, mais tu veux l'appeler maintenant, pourquoi? Du coup, tu veux l'appeler pour lui demander en mariage? Oui. Et après, tu vas refaire la même chose à genoux? Avec, voilà. Donc tu vas faire la doublette, quoi. Voilà. Toi, ce qui est fait de parler, je rappelle qu'il est toujours puni. Donc tu vas faire la doublette. Et tu dois faire... Alors, comme t'as fait à genoux, tu vas faire allonger, et tu feras... attaché par les pieds, tout ça, tu peux tout faire quoi. Ah bah après tu peux tout faire hein. Tu redemandes en mariage 15 fois d'affilée, moi je trouve que ça peut être un bon plan. Bon bah Sylvanie, bah merci beaucoup en tout cas, je te fais des gros bisous. Gros bisous, est-ce que ça c'est possible d'avoir un petit cadeau? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse Sandro et tu vas gérer un petit peu fun, sans problème. Sylvanie. Je t'embrasse. Merci. À bientôt. Salut Sylvanie. À bientôt. Salut. Ciao. On aura Mickaël dans quelques minutes également. Bon Fred, bah on y va. Alors, hein, on va appeler comment elle s'appelle d'ailleurs ta copine. Marine. D'accord. Eh ben écoute, on y va. On l'appelle. Je te laisse gérer alors du coup. Hein. Ok. Bah oui. Pas le faire à ta place, c'est normal. Bon. Allez, bonne chance, Fred. Merci. Ah. Alors, écoute, c'est pas la première fois que tu appelles cette ligne. Ah, la tristesse du répondeur. J'espère que tu as vraiment quelque chose d'important à dire. Sinon, tu vas vraiment avoir des problèmes. Capiche? Oh là, la tristesse de l'imitation. Ah, le faux mafieux à deux balles. Oh mon Dieu, le faux mafieux à deux balles. Ah, capiche? Tu vois, tu devrais laisser un message comme ça sur le répondeur. Mais pas avec cette voix en bois quand même, malgré tout, quand même, voyons. Bon, merde, du coup, on a perdu Fred. Bon, c'est pas grave, on essaiera de le rappeler pour faire ça demain, là, c'est le répondeur direct, donc ça veut dire que le téléphone est éteint, donc on est mort, là. On est mort. Il y a Paul PC 28, à moi j'ai ramené 3 auditeurs nouveaux aujourd'hui. Cool, Paul PC, c'est bien, continue comme ça, c'est cool de voir que vous êtes à fond avec l'émission, ça fait plaisir. Il y a Je Pellet Tatoche qui dit Mickaël, samedi je prends l'avion, je collerai un autocollant, Mickaël No Limite à l'extérieur de l'avion, ça fera de la pub dans le ciel. Ah, ça c'est cool. Tu prends quoi, quelle compagnie? Et tu peux faire une petite photo aussi, ce serait cool, je peux mettre ta tâche. La petite fée qui dit Mickaël le justicier, merci, Tof, t'es un gros enculé au coin. Mais je trouve que c'est le minimum syndical à faire. Ouais, oui, de toute façon, on me laisse pas parler. Voilà. Il y a Abdo qui dit Tof, puni, c'est bien fait. Maureen qui dit Fun Radio, les mieux, vous me faites triper chaque fois que vous ouvrez vos gueules, sérieux. Et Valou qui dit une fois, j'étais au cinéma dans une salle comble et un homme a demandé sa copine en mariage avant le film, devant nous tous. Oh, so sweet. Bon, si ça se finit bien, ça va, sinon ça te nique un peu le film quand même. Hein. Et Lola qui dit Marc et sa voix de fou, je crois que je vais mourir. Et il y a Nespa également tout à l'heure qui disait il peut l'inviter à la boum du lycée et l'a demandé au mariage sur un titre des Wendy. Oui, des Wendy ou autre chose, hein, pourquoi pas après, faut voir. Hein. Allez, continue avec vos messages, n'hésitez pas. Et Mickaël est avec nous également maintenant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël. Salut. Coupe ta radio, Mika. Ouais. Ah, comment ça va Mickaël? Bah ça va et toi? Eh ben ça va très très bien, t'es un Lyonnais toi? Bah oui, Lyonnais. Eh oui. Eh ben bien sûr le 69 en force. Eh oui, évidemment. D'ailleurs, Toff aurait bien voulu d'ailleurs habiter dans le 69. Bah, j'y ai habité 2 ans quand même. C'est vrai. C'est juste pour le chiffre, quoi. Ah oui, mais dès qu'on m'a dit tu peux aller travailler à Lyon, moi j'ai dit oui, tu vois, j'ai pas demandé pourquoi ni. Juste parce que c'était 6-9. Ah ouais, 6-9. Direct. Ah bah évidemment. Je rappelle d'ailleurs qu'on sera dans la région également le 16 mars. Alors 14 et 15, on sera à Orcières-Merlette à 1850 pour faire un petit week-end ski vendredi et samedi. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus pour faire un peu de ski, un peu de snow avec nous. Je vous montrerai mon talent de snowboarder. D'excellent snowboarder. Et puis on a surtout besoin de vous pour faire un défi, donc on a besoin d'une petite dizaine d'auditeurs, donc si vous voulez venir nous rejoindre vendredi et ou samedi, le 14 et 15 mars à Orcières, donc dans les Hautes-Alpes, vous êtes les bienvenus. Et du coup, bah, comme on est quand même dans le coin, on se dit que le dimanche soir on allait faire l'émission en direct de chez un auditeur, comme on l'a fait d'ailleurs à Noyon, c'était chez Olivier il y a un peu plus d'un mois maintenant, je pense, hein. Un peu plus d'un mois, je sais plus. C'était le 7. C'était le 7 février, donc ça fait un mois, voilà, on peut dire un mois. Donc on a fait ça chez Olivier, chez un auditeur, dans son salon, il y a un mois, et on remettra le couvert, donc, vers Grenoble, Chambéry, Lyon, pourquoi pas, Valence, bref, dans le coin, quoi. C'est ça, on montre bien là-bas. Bah j'espère bien. Et donc si vous voulez nous accueillir et que si vous êtes dans le coin justement, bah n'hésitez pas, vous me faites un mail mikl@funradio.fr pour qu'on puisse faire l'émission en direct de chez vous. Et attention, on n'est pas des enculés, on vous rembourse pour la peine votre mois d'électricité, votre mois d'abonnement de téléphone et d'ADSL. Ah ouais, faut. Bah ouais, parce qu'on vient, on va quand même consommer un peu de courant, donc on vous rembourse le mois complet. Qu'est-ce que tu es royal, Michel? Bah écoute, je sais, je trouvais que j'étais plutôt cool à ce niveau-là, quoi. Ben oui. D'ailleurs, Olivier qui a trop d'argent, hein, celui chez qui on était à Noyon, il m'a toujours pas envoyé sa facture. Donc n'hésite pas, Olivier, si tu m'écoutes, hein, n'hésite pas à envoyer la facture sur mon mail, il n'y a pas de problème. Bon, Mickaël, qu'est-ce qui t'amène, toi? Bon, bah écoutez, moi, en fait, je voulais vraiment. Attends, déjà, j'aimerais bien que tu changes peut-être un petit peu d'endroit parce que ça coupe. Ah, bah, pardon, mais bon, je sais pas, changer d'endroit. Oui, non, mais là, ça va mieux, je sais pas pourquoi, mais là, ça va mieux. Ah. Bon, bref, alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait je voulais pas passer à la radio du tout à la base, mais après voilà, à force d'écouter toutes les histoires, je me suis dit peut-être que je vais avoir des avis d'auditeurs qui me mettent à l'aise. En fait, avec ma copine, j'ai eu un rapport sexuel, en fait, bah voilà, je l'ai fait par derrière. Ouais, la petite porte. Ouais, voilà, la petite porte qui coince beaucoup. Ouais, bah après ça dépend comment elle coince, hein. C'est comme si tu mets un petit peu de graisse dans les charnières, ça coince plus. Il faut bien huiler l'affaire, quoi. Voilà, exactement. Bon, faut et alors préparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, ça s'est vraiment mal passé. Parce que, voilà, il y avait... Voilà, ça s'est mal passé parce qu'il y a des bruits qui sortaient. Après, j'ai eu des choses sur mon pénis. Donc, voilà, depuis que j'ai fait ça, je me sens vraiment mal. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu appelles des bruits de paix? Oui, voilà. Ah oui, mais c'est la nature, oui, hein, c'est normal, ça. Bah oui, ouais, c'est de l'air, c'est pas grave. Mais qui pétait, toi ou... Ah non, pas c'est, moi. C'est madame? Oui, c'est madame. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui s'en rendent pas compte, mais les filles pètent également. Je sais qu'il y en a beaucoup non. qui s'en... Ah si. Elles peuvent roter également, et puis elles font caca et pipi, hein. Ça chie comme des grosses merdes. Non, ça, mais ça Dieu. Peut, hein, ça non. peut, ça peut. Mais non, c'est dégueulasse. Je suis au courant de tout ça, mais... Non, mais je rigole. En fait, quand tu rentrais quelque chose voilà, dans son anus, je pensais pas que voilà, elle allait se lâcher à ce point, quoi. Mais non, mais c'est de l'air, toi. Ouais, mais c'est de l'air, en fait. C'est pas elle qui te lâche, c'est pas elle qui lâche quelque chose. C'est de l'air. T'as pas eu de chance, l'air était là. Bon, bah voilà, après, c'est... pour le même prix, tu peux recommencer, il y aura pas de problème. C'est comme les pet chats, en fait, c'est toi, quand tu fais des allers-retours, voilà, quand tu pompes, en fait, tu mets de l'air. Voilà. Et tout comment ça sent, ça... Exactement. C'est un petit peu quand tu mets ta main en dessous de tes aisselles et que tu descends ton bras. C'est du coup, ça peut faire avec l'air, ça peut faire un bruit de paix. Mais en fait, quand tu mets mes bras en dessous de mes aisselles, il y a pas de. Bah oui, ça. À l'antenne, mais c'est, ah si tu peux le dire. Il y a pas de merde, qui sort. Quoi, mais t'es dans le trou du cul. Tu veux qu'il sorte quoi? Ouais. Donc c'est pour ça. La fraise. Je voudrais un Big Mac. C'est pour ça que je dis qu'elle a remonté, qu'elle allait être constipée, quoi. Non mais c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre beaucoup de lubrifiant. Parce qu'en fait, le lubrifiant, c'est ça qui va faire que la merde va pas accrocher à ta bite. Oh, c'est grande classe. Oh putain. Bah oui, mais tu veux que je le dise comment? Ouais, mais maintenant, voilà, je me sens vraiment pas bien par rapport à ça. Mais oui, mais c'est pas grave. Voilà, la prochaine fois, tu penseras à moi et tu mettras beaucoup de lubrifiant. Ouais, comme ça, il bandera pas et puis de toute façon, il y aura pas de sodomie. Bon, mais écoute, tu l'as revue ta copine? C'est avec ta copine ou c'est avec une meuf comme ça? Non, c'est avec ma copine, parce que voilà, j'avais vraiment envie de le faire et je me suis dit qu'avec ma copine, ça allait être voilà, la bonne, quoi. Oui, bah j'imagine. Bon, écoute, c'est pas très grave dans l'idée, vous en avez parlé ensemble? Bah, pas trop en fait, vu que ça s'est mal passé, depuis on se parle plus trop et... Mais bon, bah vous allez, pas vous séparer pour ça. Bon, Mickaël, reste avec nous. Dites-nous si vous avez déjà essayé, les filles, bah venez nous expliquer, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Bah, je pense que oui, évidemment, hein. Bah, vous m'appelez maintenant, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Je vous attends, on en parle évidemment juste après ça. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, venez débarquer, il y a encore des appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Il y a le doc Coco qui dit Toff, on t'entend pour les Jeux Paralympiques du vendredi. Et Dorian qui dit la conversation de fou, mort de rire. Allez, bougez pas, on revient continuer avec vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook. Et c'est Major Lazer et Shanna Paul qu'on écoute maintenant sur Fun. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon, il y a Maureen aussi, le sujet de malade, la mort de rire. Il y a Lola aussi, heureusement que vous êtes là pour me faire rire, hein, parce que sinon je serais dans une grande dépression. Mais oui, on est là, Lola, t'inquiète pas. Lola. Rémi qui dit mort de rire, s'il y a une famille qui écoute ça dans sa voiture sur la route de retour de vacances, bande de ouf. Et Valou, c'est vrai, les femmes pètent et même plus que les hommes. Ah bah, je sais pas plus, mais en tout cas, ça arrive. Ça pète, ça, ouais. C'est la pression. Bah oui, et la petite fée qui dit l'émission en direct de ma chambre, bah pourquoi pas, la petite fée, avec plaisir. Je pénètre ta toche qui dit ah oui, c'est Air France où je vais mettre un autocollant, avec plaisir. Bah cool, essaye de faire la photo et ce serait bien gentil de ta part. Abdou qui dit plus 3 auditeurs, mes potes écoutent et ont enfin compris la vie. Ah merci Abdou, ça c'est des bons ça. Continue à prévenir vos potes, hein, qu'il se passe enfin un truc à la radio. Et oui, c'est terminé de se faire chier à écouter des radios ringardes. Bah oui, on est là maintenant. Enfin, pas forcément des radios, mais plutôt des émissions ringardes. On est là maintenant de 23h à 2h sur Fun Radio et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Margot du 26, mon beau-frère a demandé ma sœur en mariage quand ils ont fait leur saut à l'élastique. C'était trop fun. Ah oui, c'est pas mal, c'est original. Et là, il y a un qui dit, me tire pas, une bague, des mots et c'est réglé. Bah là, en l'occurrence, on n'arrive plus à rejoindre Fred là, mais c'est pas grave, on essaiera demain dans le pire des cas. Bon, 1h35, il est temps d'appeler des gens afin de vérifier si ils se sont déjà branlés avec de la nourriture. Mais oui. puisque je rappelle que nous sommes tombés sur cette information. C'est un Américain qui s'était branlé dans une tarte aux pommes à mettre au micro-ondes, et un autre qui a porté plainte contre Domino's Pizza parce qu'il s'est branlé avec sa pizza qu'il avait reçue et il s'est brûlé le gland. Oh, et le il pauvre. Porte plainte parce que sur le carton de pizza, il n'était pas indiqué clairement qu'il ne fallait pas se masturber avec. Noc, c'est même les mecs en voiture, hein, ils devraient, les constructeurs de voitures, ils devraient indiquer qu'on ne doit pas mettre sa bite dans le pot d'échappement. On sait jamais. Tu vois, c'est. Mais il y avait un mec, il y avait une vidéo d'un mec qui était qui baisait un 4x4. Ouais. N'importe qui baisait un 4x4. Et le mec qui baisait un caddie de supermarché. Oh là là. Et le mannequin, vous l'avez vu cette vidéo ? Non. Le mec, un mannequin dans une vidéo de surveillance dans un magasin. Et le mec, il est en train d'essayer d'enculer un mannequin en plastique, quoi. Oh là là. Par pitié. Bon, donc du coup, on fait les appels maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Il y aura aussi le son de Afrojack qui arrive dans quelques minutes avec Ten Feet Tall sur Fun Radio. Fais une petite musique un peu sympathique comme ça. Ah oui, c'est mignon. I'm clumsy and my head's a mess, cause you got me growing taller every day. Voilà, ça arrive dans quelques instants. On a Afrojack sur Fun Radio, restez là. Et les appels, c'est donc maintenant. Allez hop, on y va, 1h36 du mat et on est toujours ensemble, c'est cool. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, madame. C'est qui ? Mais moi, je m'appelle Toff, madame. Et qui ? Vous êtes Toff ? Oui, c'est moi. Et pourquoi vous m'appelez ? Ben, en fait, parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments. Elle se raccroche au nez, elle-même. Okay, c'est très bien, ça, c'est parfait. Bon, on la rappelle, du coup. 1h37, donc, maintenant. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Ouais. Voilà, je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments. Écoute-moi bien, petit trou du cul. T'habites où? Moi, je suis à Paris, monsieur. T'es à Paris. Tu veux que je descende maintenant à Paris, trou du cul? Bah, si vous voulez, monsieur, mais je vois pas le rapport. Écoute-moi bien, tu rappelles. Oui. Je descends à Paris, je fais cramer ta maison. Oui. Et ta voiture, t'as compris? D'accord. Bah, alors pour la voiture. Je serai tôt, j'arrêterai d'appeler, mon gars. Oui. Mais parce et d'arrêter de faire le malin, de dire ouais tu t'es branlé avec des aliments, parce que c'est inutile ce que tu fais, tu me pètes les couilles là depuis une semaine, tu continues mon gars, je descends à Paris, je fais cramer ta maison, t'as compris? D'accord, oui, parce que j'ai pas de voiture, donc ça serait compliqué. Ouais mais t'inquiète, je vais cramer ta maison si tu continues à m'appeler. D'accord, mais donc vous m'avez pas dit pour les aliments que vous aviez déjà utilisés? Arrête de te foutre de ma gueule, trou du cul. Mais je me fous pas de votre gueule monsieur, je vous pose une question. Tu sais où j'habite? Bah non. J'habite à Saint-Denis, mon pote. D'accord. Et je descends maintenant à Paris, je fais cramer ta maison. Funky style. Si vous voulez, monsieur, mais je vois pas le rapport. Vous voulez mon adresse, peut-être? Allô? Ouais, t'inquiète, je suis encore là. Ah oui, non, parce que je pensais que on avait été coupé. Donc oui, je disais, vous voulez l'adresse, peut-être? Ouais, donne-moi ton adresse. Alors, je suis 20. Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Hein, et c'est dans le 8e. Ouais, ça marche. Voilà, hein. Et donc pour les aliments, parce que vous avez pas répondu à ma question. T'étonnes pas s'ils sortent en maison le crâne. D'accord, non, mais je m'étonnerai pas, y a pas de souci. Ah bah non, y a pas de souci là. Tu veux que je te mette un petit bout là, Toff, là, comme t'avais démarré? Ah bah oui, hein, c'est quoi, il s'était mis sur le. Toff. Il s'était mis en mode NTM. Ah c'est lui qui m'a lancé, hein. Ah bah oui, c'est clair, ouais. Attends. Ça va le motiver. On le rappelle? Ah oui. Ouais. Et bah, ben, ça y est, il va tout cramer. Ah, bah, attends, j'ai même Saint-Sandy style. Voilà, comme ça, il va être bien. Ah, là, on se fait bien. On est bon? On est bien là. Bah, ça vieillit. On est très bon. Ah, c'est un peu vieilli, NT. Ouais. Bah, en même temps, ça date, hein. Voilà, allez, on rappelle à Sandy? Bah, bien sûr. Allez, c'est parti. Allez. Je vais arrêter, ça me fait penser à une autre mauvaise émission. Qu'est-ce que tu me veux, Cossard? Ben, je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé avec des aliments, madame. Tu m'as déjà posé la même question tout à l'heure, je t'ai dit oui avec une carotte, ça t'intéresse? Bah oui. Ouais. Bah moi ça m'intéresse pas du tout, vas-y, t'es qui? Bah moi je m'appelle Toff, madame. Tu t'appelles Toff? Oui. C'est la radio, bâtard. C'est la radio. Bah oui, c'est la radio. Bordel. Eh monsieur, vous êtes trop fort, hein. Bon, mais c'est gentil. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Allez, merci. Vous avez été sympa. Vous avez été très bon. Allez, bonne soirée. Ciao. Je vais brûler ta maison et après c'est l'autre il est là en mode fan. Élisée de moi, connard. Ouais, c'est clair. Alexandra qui dit ce fils de pute il veut brûler ta maison, tu viendras chez moi, c'est pas grave. Mais bah, oui Alexandra, merci. C'est surtout le sous-chef qui va être content parce que je rappelle que Toff dort là. Hein. Ouais. Je pénètre Tatoche qui dit si je passe avec un collègue, est-ce que vous voir, est-ce que tu nous recevras? Bah évidemment, je pénètre Tatoche, y a aucun problème. Et Antoine également, Jean, retour de la bite, l'anneau et Roms qui dit c'est très très fucking ouf de se marier à 17 ans. Oui, je confirme que c'est effectivement un peu particulier. Il y a Lola qui dit aussi, ils m'ont tué. Et puis, Marikel qui dit, j'ai peur maintenant de boire du café. J'imagine JF le mettre dans Vanessa ou mettre carrément la cafetière encore branchée. Oh, quelle horreur. T'imagines le court-circuit, là. Waouh, l'angoisse totale, tu m'étonnes. Bon, on va se faire également le chéri, je peux te faire cocu, là, sur Fun Radio dans quelques minutes. Et puis, on m'avait demandé, je viens de recevoir un mail de Sylvain qui dit, salut l'équipe, pour la prochaine musique, tu pourras faire un petit mix avec les insultes et Jean-François comme hier. Ouais. Mais je vais mettre ça sur quelle musique là? Tu me... Attends. Oh, et si on faisait une relique? Alors attendez. Une relique? Ouais. Oula. Ah, Britney? Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ça a démarré là-dessus pour les plus anciens. C'était sur Britney Spears. Et c'était laquelle encore? Putain, je... Work Beach. Work Beach. Ouais. You're gonna work, bitch. Ouais, toi, attends, il faut que je retrouve aussi la version de Work Beach là. Work Beach, voilà, elle est là. Bon, je vais vous la mettre et je vais. Bah, du coup, vous m'avez pris à sec là. Ouais, on t'a pris au dépourvu un peu. Ah bah ouais, donc du coup, faut que je me recale tous mes sons et tout là. Ça prend un petit peu de temps, 2 secondes. Alors, attends, Yann également est avec nous là. Salut Yann. Oui, bonsoir Mickaël. Tant que je cale tous mes sons là, hop là, pour faire le remix de Britney Spears avec War Beach. Tu voulais réagir toi par rapport à Mickaël qui a essayé la petite sodomie mais ben, c'est mal passé par la petite porte. Oui, voilà. Parce que en fin de compte, c'est pas un truc qui se prépare comme ça, c'est un truc, y a quand même des lavements à faire avant. Des lavements. On dirait un médecin. Ouais, mais alors t'es médecin Yann. Ben, je sais que moi je suis gay, je sais que je me laisse pas pénétrer comme ça, je fais un lavement avant parce que bon. C'est vrai que c'est pas terrible de le faire. Non comme mais ça. Attends, imagine t'es dans la rue, hop, une folle envie, tu rencontres, hop, tu peux pas te faire enculer comme ça. Ah bah non. Ah jamais. Ah bah non, il faut préparer. Monsieur est précieux. Ah oui oui. Il a raison, il faut préparer. Bah oui. Faut pas avoir de surprise, il faut bien, non? Bah oui, bien sûr, non mais t'as raison dans l'idée, hein, nous on rigole, t'inquiète. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Lavement, c'est-à-dire comment, Karcher? Non, peut-être pas Karcher, mais. Comme ça, avec la... Allez, attention, Germaine, là. Attention, je dis que j'arrive. Il y a du dans le fond, là, Germaine. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais on peut aller en pharmacie. Il y a des bouteilles spécialement pour les lavements, et en fin de compte, c'est beaucoup plus propre. Au moins, il n'y a pas de surprise. Donc, sinon, il y a la poire, la fameuse poire de lavement. Voilà, une poire à lavement. Ou sinon, même, à la rigueur, ceux qui sont courageux, ils peuvent prendre la poire de douche. Mais bon. Faut déjà. La poire de douche. Bah oui, moi, je suis pas courageux pour la poire de douche, mais bon. Tu m'étonnes. Ah non, faut y aller, hein, faut être courageux. Ah bah mais complètement, ouais. Tu conseilles quoi comme matériel pour se laver le trou du cul? Bah la poire. D'accord, et tu la mets comment la poire? Bah à ton avis, on la met comment? Bah je sais pas, non, mais moi je me suis jamais lavé le trou du cul comme ça, hein, avec une poire. Polo, il met les doigts direct, hein, il s'en fout. Ah, oui, bah, bien sûr, hein, directement. Bah non, moi je peux pas mettre les doigts, moi je préfère que du naturel, pas les doigts. Donc, ah d'accord, bah c'est bien, non mais c'est d'accord, ok. Et tu hydrates ouais. Comment ça? Tu hydrates ou pas? Tu mets une petite crème après? Non du tout, il y a directement les poires avec un bec spécial. Ah carrément, il y a de l'équipement. Bon attends Yann, reste avec nous. On va également prendre Clara dans quelques minutes. Bouge pas Mickaël, bouge pas Yann. On va prendre Clara donc de Lille. T'es là Clara? Oui. Comment ça va? Ça va bien. Eh hey, tu passes nous voir à nos limines là ce week-end, vendredi soir. Oui hein. C'est vrai, ouais, on vient. Ah t'as des places? Bah non, on aimerait bien. Bon, on va t'enfiler, tu viens, vous venez à combien là? À deux. Ah merde, c'est un mec? Oui, c'est mon meilleur ami. Oh merde, fais chier. Ah, c'est son meilleur ami, son meilleur. T'as pas une meuf, tu peux pas venir avec des copines? Ah si, je peux. Ah, et ben tu vois quand tu veux, bah voilà, c'est pourri. Bon, bah tu combien de places t'envies là? Comment? Combien de places tu veux? 3, 4. Bah j'ai pas de demande. Ce que vous voulez. Non mais je vais pas t'enfiler sans non plus, mais je veux dire. Bon mais une boîte à remplir. Non mais si je t'enfile 4 ou 6, tu viens avec 4 ou 6 personnes, on va pas les jeter des places, tu vas pas venir Oui. Bon bah très bien, bah voilà, bon on va faire ça alors très bien dans un instant. On sera au Whiz Club, je le rappelle d'ailleurs, pour une soirée qui risque de tout démonter ça vendredi soir au Whiz Club, donc c'est à Neu-les-Mines, à peu près 30 minutes de Lille, c'est ça? Oui. grosso modo, hein, 30 minutes de Lille, 30 minutes de Lens. Oui, oui. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus, avec notamment l'iPad mini à gagner. Ce sera peut-être pour toi d'ailleurs le cadeau, l'iPad mini. Va savoir, Clara, ah bah, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Eh ben, j'imagine. Reste avec nous en tout cas, Clara. Tu nous écoutes depuis longtemps, Clara, ou pas? Quand même, oui. Est-ce que tu te souviens de l'époque où je faisais les remix avec Britney Spears et Work Beach? Oui. Ah bah voilà, bah je vais remettre un petit coup puisque il y a Sylvain qui demandait et qui a demandé à ce qu'on remette le couvert, donc je vais refaire ça. Voilà. Enfin, je vais essayer hein, parce que bon, hier on l'a fait sur Martin Garrix là, mais sur War Beach, faut que je le remette dans l'oreille là. On va voir ça. Bon bah bouge pas de là Clara, d'accord ? D'accord. Allez, c'est parti. Alors faut que je me remette hein. Faut que je m'en remette. Mais ça va aller. Ouais, mais ça va aller, ça va aller. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bah oui, je sais bien. Attends, mais quand même, hein, faut. C'est comme se laver le trou du cul avec une poire à lavement, ça s'oublie pas. Je sais pas, on va voir. 11 euros la poire là. Ok, monsieur PD. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites. No. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Oh, y a une petite relique là, voilà. Ouais. Oh, ça m'a fatigué. C'était bon, hein, putain. Oh, bah, ça m'a fatigué. Il y a Jojo qui le remix de malade. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, on faisait ça avant sur le son de Britney Spears. C'est vrai que ça rentre bien. Hein. Ouais. Ça se pénètre pas mal. Ouais. N'est-ce pas? Il y a pas besoin de la poire à lavement là. Voilà. Ça rentre crème. Ah, y a une pénétration. Ça glisse tout seul, pas de lubrifiant, rien. Ouais, il y a une pénétration qui se fait bien comme ça là. Il y a le Doc Coco qui dit j'ai les larmes aux yeux tellement je suis plié avec ce remix. Timothée qui dit putain trop tard le remix là, je vais réveiller tout le monde chez moi à force de rire comme ça. GTR également, aïe, DJ Michel avec le fameux remix de War Beach, Motherfucker, oui c'est comme ça qu'on l'avait appelé, c'est bon ça. Alan également, trop bon le remix, et Echo qui dit hier encore et toujours DJ Mimich, tu nous as lâché un set de taré. Ça m'avait manqué ce petit War Beach, Madafka Legendary. Et puis Clara aussi, trop bon le remix mon frère. Et la petite fée qui dit c'est bon le petit remix. Là, tu en fais un pour le Wiz ce week-end. Ouais, j'avais dit que je le ferais, mais il faut que je le prépare. Amélie qui dit on connaît bien les cochons, là ton remix c'est parfait. Merci Amélie, je te fais des bisous. Et Margot du 26, je vais me coucher demain, kinésiologue. Bisous à tout le monde, super son, Mickaël, continue à les faire. Bah Margot, c'est dommage de partir 10 minutes avant la fin, c'est malheureux quand même. Et Nina qui dit top leur mix. Je pénètre ta touche qui dit mort de rire leur mix, j'avais jamais écouté, c'était énorme. Au fait, vous lisez jamais les messages sur Facebook? Bah non, Mickaël, en fait non. Ça nous fait chier. Mais évidemment qu'on les lit, la preuve. Mais il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de monde, donc on peut pas tout lire non plus. Et Drakit qui dit Mickaël, franchement, tu devrais rajouter un moment à chaque émission où on a le droit à ça. Bah, tu sais quoi, en fait, je le faisais avant et puis après, on m'a dit ouais, non, mais ça fait chier tout le monde, les gens ils aiment pas, etc. C'est des bouffons qui t'ont dit ça. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, on va plus le faire, tu vois. Donc, bah, visiblement, vous avez l'air d'aimer. Donc, oui, je le referai encore. Alors, du coup, sans problème. Rémi qui dit pour le nettoyage avant la sodomie, je conseille une cuillère à soupe. Ah. Bon, il a précisé juste pour rire quand même. Et n'est-ce pas qu'il dit petit remix de Work Beach. Il y a Samuel qui dit la poire bien profonde dans ton trou du cul. Et Ariel qui dit même en disant simplement oui c'est la radio, vous arrivez à faire rire les gens. Ouais. Comme quoi tout arrive. Et oui. Ouais. Évidemment. Bon, retour. Alors déjà, il y aura Polo contre le reste du monde dans quelques minutes, donc restez bien à l'écoute de Fun. Et puis retour avec Mickaël, avec Yann, avec Clara également de Lille. Clara. Oui. Clara, c'est à ton tour. Bon, est-ce que tu veux que je te refasse un petit remix au Wiz Club vendredi là, d'une des chansons? Oui. Alors hier j'étais sur Martin Garrix, le nouveau, avec Wizard, qu'on pourrait mettre, tiens, oui. Pourquoi pas à l'occasion, ça peut être pas mal ça. Petit remix dessus, pourquoi pas, ça peut être bien. En plein milieu de la boîte avec les... Ok, monsieur PD. Je pense qu'on peut ils se marrer. Ils vont kiffer. Ouais, je pense. Bon, alors Clara, toi tu voulais réagir par rapport à Mickaël, donc qui a tenté la sodomie avec sa meuf. Ça s'est mal passé, puisqu'il y a eu des petits pets, et qu'en plus de ça, il a eu... Caca. Oui, voilà, c'est ça, il a eu un petit cadeau gratos. Voilà. Oui. Et donc, Clara, du coup, c'est quoi ton conseil, toi? Bah, enfin, est-ce que t'as déjà testé, toi, j'imagine? Bah moi j'ai fait justement la première fois la sodomie avec mon ex il y a quelques temps. D'accord. Et bah ça s'est très bien passé, c'est pas déplaisant. D'accord. Après, si elle a pas d'hygiène la copine, on peut rien y faire. Ouais hein, mais bon après ça dépend d'où elle venait hein. Oh arrête de me faire manger. Oh Gilou, on parle de trucs dégueulasses là. Bon, il avait une question à te poser Clara. Comment? Il a une question à te poser Gilou. Quoi? Oh, tu aimes le sperme? Ah non. Ah t'aimes pas? Ah non. Ah d'accord, ok. Tu te cuillères à soupe. Oui, vous voulez te poser le gaz également. Tu aimes faire pipi dans la bouche, non? T'aimes bien ou pas? Deux. Ah, deux. Je passerai ton corps si je te serai aussi fort que je t'aime, puis je te ferai chier comme une vache. La grande classe de Gilou, bien entendu. Bon, du coup... Pareil, donc là, on est en train de vous écouter dans la voiture, je suis avec mon meilleur ami. Ouais. Et il est gay, et lui aussi, ça lui arrive de passer par derrière, et ça le dérange pas. Ça lui arrive, non, il n'a pas le choix, hein, y a que par là qu'il peut passer. Ah, non, il n'y a pas le choix, des fois. Non, parce que là, ils ont des petites bites, ils passent par l'urètre. Voilà. Hey, ça peut marcher, tu peux choisir, mais lui pas. Voilà. Et donc... Bon, et donc Clara, bon à la limite, c'est même pas une question d'hygiène parce que tu peux te... Alors c'est dégueulasse, bon il est 1h54 donc on peut le dire, mais c'est ok, c'est dégueulasse, mais tu peux te torcher le cul correctement et puis après il est encore dans le fond, tu vas pas avec le PQ dans le fond, enfin tu vois ce que je veux dire. Il le conduit ça, c'est un conduit à caca. Hein. Mais non mais voilà. Bah oui, mais alors dans ce cas-là faut mettre une capote. Voilà, mais ça c'est une idée par contre Mickaël, tu vois. Ouais, mais ça t'empêchera pas d'en avoir sur la capote. Ouais, mais enfin, c'est sur la capote, c'est moins grave. Ouais, mais il y avait la capote, hein. Voilà. Et alors, c'est si grave que ça, tu t'envoies avec ta meuf qui a un peu de caca, et alors? Ouais. Oh là là. Non, mais c'est surtout que de là, ne plus. Si t'as plein de zizi, je peux te dire que. Oh, arrête. Mais non, mais Mickaël, c'est juste qu'il y a un moment, c'est quand même bizarre de plus parler à ta meuf juste pour ça. Alors, je peux comprendre que t'étais choqué sur le moment même, mais bon. Je pense que c'est pas pour ça qu'on se parle plus, quoi. C'est juste parce que voilà, ça a pas dû plaire et. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. C'est une petite bite, à mon avis. Ouais, non, c'est pas ça. Bah, mais en fait, je pense que je suis tellement allé profond qu'il y a de la merde qui est sortie, quoi. Oh, genre, l'autre, c'est tout ça pour faire sous-entendre qu'il a qu'il a un grand sexe. Non, je peux pas parler de ça, mais bon. La taille a pas d'importance pour ça. Hein. C'est vrai. Non, c'est pas que ça a pas d'importance. Après, quand j'ai regardé son anus, il était vraiment énorme, quoi. D'accord. Oui, ouais. C'est normal, t'as rentré ta bite, c'est normal, ça se dilate. Alors attendez, parce qu'il y a le bœuf ferré qui risque à mon avis d'être interdit d'antenne pendant une minute, comme Toff de temps en temps, puisqu'il a dit sur le Facebook, à mon avis, la fille s'est fait... Bon, dis-le, Toff. Attends, parce que je l'ai pas, attends, il est où? À mon avis, la fille qui s'est fait prendre la boîte à Benko, elle a fait la gueule parce que son mec lui a ramené des cookies pour 4 heures. Voilà, hop. C'est nul le bœuf ferré. Voilà. Par contre, c'est pas drôle, quoi. Voilà, hop. Supprimer de l'antenne pendant une minute. C'est toi qui l'as lu, t'es sorti de l'antenne pendant une minute, c'est comme ça. Bon, du coup, Clara, est-ce que t'as des conseils à donner à Mickaël, alors, hormis celui-là? Ça sert à rien qu'il ne parle plus à sa copine et qu'il mette une capote. Et voilà. Je bien. Très bien, eh ben, je pense que tout est dit, hein, Mickaël. Hein. Oui, mais après, je pense que s'il y a de la caca sur la capote, c'est la même chose que s'il y avait de la Mais non, mais ça arrive pas à chaque fois, ça arrive mais pas à chaque fois, Mickaël. Ça, ouais, déjà mets du lubrifiant et puis ça arrive pas à chaque fois, t'as pas eu de bol, c'est tout. Mais avec le lubrifiant ça n'arrive pas. En fait, c'était la première fois et mais voilà, c'est normal. Mais tu sais, c'est un peu comme si tu fais l'amour avec ta meuf et qu'elle finisse ses règles, il y aura toujours quelques traces, mais c'est pas grave, mais ça arrive pas à chaque fois. Il va pas sortir du miel, des paillettes ou de la rose. Oui, c'est ça, c'est pas un champ de rose. Non mais c'est vrai. Mais bon, à la base voilà quoi, après si ça pue, c'est vraiment pas agréable quoi. Le sac à merde est de retour. Alors ne lui prends pas le cul. T'as fait de retour. Et oui. Ouais, mais j'ai voulu essayer parce que je voyais ça dans tous les films porno. Mais oui, mais je viens de t'expliquer. Tu mets une capote, tu mets du lubrifiant. N'énerve pas ou je viens l'antenne. Tu n'auras pas de problème. Vous êtes méchant par contre, vous êtes méchant. Mais Mickaël, on n'est pas méchant. On t'explique simplement que. Attends, c'est comme si tu dis ouais bah j'ai été bouffé un giant et en fait j'aime pas. Bon bah va plus manger. Ouais mais si, parce qu'en fait j'ai vu qu'on tout le monde en mangeait. Oui mais bon alors quoi? Non, c'est le pire, c'est que tu sors des chiottes, tu fais caca, ouais, il y a quelqu'un qui passe après, il dit goûter, ça pue la merde. Ouais, oui mais mec, c'est vrai. Tu vois, forcément tu dis ouais, le mec dit ah ça pue la merde. Ouais, j'ai chié mec, ça peut pas sentir la rose, ce bah n'est oui. pas possible. Ouais, c'est tu mets un petit peu d'air weak. Tu sais, le mec est énervé parce qu'on lui a dit ça il y a pas longtemps. Tu mets un peu d'air weak. Non mais écoute Mickaël, on t'engueule pas, on n'est pas là pour ça, c'est juste on essaie juste de t'expliquer. Des conseils en fait. Eh ben c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on t'en donne Mika. Tu mets une capote, tu fais la poire à lavement si tu veux vraiment être sûr que ce soit nickel et tu mets beaucoup de lubrifiant et il y a aucun problème. Ouais, mais il y a quelqu'un derrière qui a dit que j'avais une petite bite alors que franchement. Mais non, mais c'est moi qui ai mis les bruitages. T'as une petite bite à mon avis. Oui. C'est les bruitages, Mika, t'inquiète. Regarde, je peux même mettre ça, c'est pas pour autant qu'on va le penser. Hein. Tu vas aller niquer ta mère gentiment. Voilà, tu vois, c'est bon. Ouais, mais bon, après là par contre, là vous partez loin quoi. Où ça? On va s'abuser. Hein. Non, on va pas loin, on va doucher les mines. Mais non, nos les mines. Nos les mines, pardon. Quand vous dites ça, je pense à Carluche quoi. À quoi? Nolémine, Carlouche. Carlos. Carlos. Non, je réfléchis quand même. Hein. Carlos. Mais Carlos. Tout nu et tout bronzé. Ouais, Carlos. Big bisou. Big bisou. C'est ça, big bise. J'ai pas compris. Bon, mais écoute, merci Claire et Yann en tout cas de d'être passés. Hein. Clara, pardon, par excuse-moi. Taf, je peux faire une petite dédicace par contre avant de raccrocher. Bien vas-y, sûr. Parce que maintenant c'est toi qui anime, donc vas-y. Bien sûr, tu peux faire une dédicace avec plaisir. Mais à une seule personne, tu connais la règle. Une seule personne. Mickaël ouais. va faire comme le jeu. Ouais, bah va te faire enculer, espèce de fils de pute. Ta mère, moi. Et bah, je fais une petite dédicace à tous les pelots de Villefranche. Et niquez bien tous vos grands-mères, Carlous, du et tout le monde, la mif. On est là, yeah. Très bien, bon, ben allez, hé. Hey. Ratatouille, n'oublie pas Ratatouille. On est en train de rabattre la rago, c'est bon. Oh, c'est génial. Va nettoyer la petite bite, hein. Allez, la bon. Chatte à ta grand-mère. D'accord, ok, elle t'embrasse allez, certainement. Bisous. Salut bisous, Mickaël. Bisous. Salut allô, Mickaël. Ciao. Salut, bon du ciao. Coup je vais quand même le remettre. Je te brise les gens mon gars, je te détruis au passage. Voilà, tu vois, je vais remettre encore un petit coup, mais cette fois-ci je vais le penser. Je vais te prendre et je vais te baiser pendant 11 heures mon gars. Oh voilà, je suis sûr qu'il aura kiffé en plus. Bon, Yann et Clara, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Et est-ce que tu as une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne, hein. Tu connais la règle. À mon meilleur ami qui est à côté de moi et qui me écoute tous les jours et je l'aime fort. Non, oh, c'est oh. gentil, c'est gentil. Bon, bah du coup tu restes en standard, on va te filer tes places pour venir avec nous au Whiz Club, d'accord? Je peux, d'accord. Bien, je peux demander combien de mesures tout ça ou c'est... Non, bon, si ah non, c'est Mickaël. Voilà, non, là, je mesure 1m60. D'accord, combien pèses-tu? Ah ça je dirais pas. Oh. Oh, c'est un échec cuisant aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui tu t'es pris que des tôles. Hein. Ah là, un échec cuisant. Que des tôles. Ouais. C'est la folie. Est-ce quoi. Qu'on pourra faire une photo avec toi, Mickaël? Bah, bien sûr, évidemment. Bah, pour bien le moment sûr. Tu rentres ouais. pas parce que c'est moi qui fais la liste. C'est lui. C'est lui qui est le videur. Donc c'est pas compliqué. Vous venez avec un mec qui est qui ressemble un peu à Sim et vous pourrez lui péter la gueule sans problème. Hein. D'accord. Ouais, en termes de maigreur, je pense que ça marchera très bien. Bon, à samedi, Clara. À vendredi. Oui, à vendredi, je suis con, oui, c'est vrai. Samedi, on est au Havre, au Caliente, et vendredi, on est au Whiz Club, à Neulémine. Voilà, et vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez venir nous rejoindre sans problème. Gros bisous, Clara, salut. Mickaël. Ouais, Clara. Ouais, Yann, excuse-moi. Oui, est-ce que tu veux faire un cadeau, pas que fun? Bien sûr, je vais te repasser Sandro, on va gérer ça sans problème. Merci. Salut, Yann, à bientôt, ciao à toi. Allez, merci beaucoup Yann, merci à toi d'écouter. Bon, on va se faire Polo Against the Rest of the World dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous l'avais promis, on se fait le son d'Afrojack maintenant. 10 Feel Tall sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Il est 2h02 et c'est la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. I'm clumsy. Le son d'Afrojack à l'instant sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs jusqu'à, bah, théoriquement... 2h, on va dire ça comme ça, 2h06, c'est pas grave, on est un peu à la bourre, mais ça change pas grand chose à d'habitude au final. Hein. On va se faire Polo contre le reste du monde, on aura également dans quelques minutes, je tiens à le rappeler, la finalité de ce grand jeu qui est le top tweetos. On verra qui sera le grand ou la grande gagnante, qui aura été l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Bah du coup vous avez encore quelques minutes le temps de Polo contre le reste du monde pour continuer à tweeter, évidemment, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. C'est parti. On y va, Polo against the rest of the world. On y va, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec Toff. Toff. Bonsoir Polo, combien mesures-tu? 1m76. Combien pèses-tu? Je pèse 78 kilos. Quelle est la taille de ta bite? Je sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai pas mesuré, mais dans les... Ah, tu déçois Polo. Non, mais tu crois que j'ai que ça à foutre de la mesurer bon, tous les environ, jours? Environ combien? 17-18. Oh putain, c'est bon ça. Ah ouais. Quelle est la taille de dernier pantalon que tu as acheté? C'est bon ça. C'est du... Oh, c'est des... J'achète que des 501, c'est du 31-34. Qu'est-ce que t'es bon mon petit Polo. Merci beaucoup, je te remercie Toff. Vincent, le retour. Enfin non, il vient d'arriver, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute Vincent. C'est Polo? Ouais, bah oui, c'est lui. Putain Polo, je suis fan. T'es fan de qui? Bah en fait, je voulais savoir, parce que là j'essaie de faire la moitié avec ma copine, mais j'arrive pas à la retourner, t'as pas un conseil, parce que j'arrive vraiment pas à la porter. Quoi. Elle est lourde. Ouais, très très lourde. Bah prends un transpalette. Elle veut pas se retourner, donc je sais pas comment faire Polo. T'as pas un pote qui conduit des transpalettes là pour transporter les trucs lourds? Non, j'ai attends, pas ça. Attends, on fait une annonce. Si quelqu'un a ça, qui nous appelle tout de suite. Hugo, dans Polo contre le reste du monde. Allô, Polo ? Ouais, Hugo. Ça va ou quoi ? Ça va très bien, et toi ? Est-ce que t'aimes la bite ? Non, pas du tout, non. Non, j'aime la mienne. J'aime bien la caresser des fois et lui dire t'es belle. Mais tu veux pas voir la mienne ? Vas-y, montre-la. C'est un Kinder Bueno White. Ouais, il est ridicule, ridicule. Poire à lavement dans Polo contre le reste du monde. Bonjour, Polo. Bonjour, poire à lavement. Voilà. On m'a dit que tu voulais m'insérer pour te faire un lavement ? Non, pas du tout. Hein, je pourrais rentrer doucement. Donc attends, t'es en train de me dire que tu es une poire à lavement ? Oui, Polo. Et tu parles ? Oui. Ridicule. Le gynéco dans Polo contre le reste du monde. Oui, bonjour, monsieur Polo. Bonjour. Vous pouvez mettre sur la table, hein, les étriers, le cul écarté, je vais vérifier si tout va bien. Mais je ne suis pas une femme, monsieur le gynéco. Ah bah écoutez, vous avez pris rendez-vous avec moi là, apparemment là, 2h05, je vous prends là. Mais non. Donc vous allez vous mettre sur la table, cul écarté, je vais vérifier si tout va bien. Ok, Toff, le retour. Oui, Mickaël, combien mesures-tu ? Y a pas de... Mickaël, il est pas là. Bon bah on recommence alors. T'es dans Polo contre le reste du monde. J'ai une autre question, on va recommencer. Ouais, voilà, on y va. Allez, on fait comme s'il n'y avait pas. Allez, vas-y, pop. Allez. Quelle est la saveur de tes préservatifs préférés ? Sans goût. Sans goût, t'es sérieux là ? Ouais, il n'y a pas de goût dessus. Bon, t'es plutôt caca ou mouille ? Comment ça je... Ça veut dire quoi cette question là ? Ah bah c'est une question comme les autres. Hein. Mais c'est-à-dire, est-ce que je préfère le caca ou la mouille ? Voilà, c'est la ça. La mouille, je préfère la mouille. Bon, t'es plutôt cuni ou lécher les trous de balles d'une femme ? Ah, aucun des deux, je peux pas, mec. Je vais attraper de l'herpès. Vincent, retour dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Oui, Polo, alors là j'ai réussi à passer en dessous mais j'arrive toujours pas à la retourner hein. Bah pousse, mais elle est lourde, mets de l'huile. Mets de l'huile pour la faire glisser. Le gynéco, le retour. Bon, je suis allé sur l'étrier là, j'ai les jambes écartées, monsieur le gynéco là. Oui, bon bah là c'est un drame, hein. Il va falloir faire un lavement hein. Ah, ou d'accord. Il va falloir faire un lavement, c'est dégueulasse à l'intérieur là. Ça manque d'hygiène, ça, monsieur. Hein. Si, je me lave le trou du cul tous les matins. Non, ça manque d'hygiène. Mais c'est lavé, le trou. Il va falloir faire passer le lavement, là. Il est lavé, monsieur. Non. C'est attendez, lavé. Je vais chercher la pomme pour lavage. Attendez, la poire à lavement, elle est là, la poire à lavement, ce gynéco. Oui, je suis là. On m'appelle ? Bah oui, oui, le gynéco. Il va falloir l'utiliser, là. Faites péter la pression, là. Il faut tout dégueulasser, là. Tout nettoyer la dégueulasserie, là. Insérez-moi et appuyez fort sur mon gros bide. C'est fait. Bon, ok, monsieur le gynéco ? Oui. Au revoir. Toff, le retour pour terminer ce Polo contre le reste du monde. Je t'écoute. Oui, Polo. Oui. T'as le crâne rasé ? Ouais, je me rase le crâne, ouais. T'as la bite rasée ? Ça fait longtemps, mais ouais, ça m'arrive, ouais. Jean-François, tu aimes le sperme ? Non, j'aime pas ça. Jean-François. Je n'aime pas ça. Jean-François. Je n'aime pas ça. Je suis en train de me masturber, là. Vas-y, bonne soirée. Allez, casse-toi d'ici. Vincent, pour terminer. Alors, j'ai réussi à la retourner, Polo, mais maintenant, j'arrive pas à trouver le trou. Le gynéco, faut pas m'aider. Bon, on se voit demain pour ça, ok ? D'accord. À demain, Vincent. Hugo, pour terminer. Ouais, t'es un enculé. Avec plaisir, toi aussi. Et pour terminer, la poire à lavement dans Polo contre le reste du monde sur Fun Radio. Bon, maintenant, je vais me dégonfler. Toute la merde va... Allez, casse-toi, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours Fun Radio. Hop là, roulement de tambour, oui, je m'en vais. C'est parti. Retour du Polo contre le reste du monde, demain, bien entendu. Ouais. Bon, on va se faire le top tweetos là maintenant. On va enfin voir et savoir lequel d'entre vous aura été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec évidemment ce fameux hashtag Mickaël. Il y a Jojo qui dit grillé tout à l'heure là, mort de rire à la radio avec Toff et les appels. Exactement, oui. Et puis la petite fée qui dit Mickaël, jamais marié. Oh my god, faut y remédier. Je suis célibataire si tu veux. Oh merci la petite fée. Elliot également. Oh, une demande en mariage. Que c'était beau tout à l'heure. Ah bah oui, tu parles. Ah oui, c'était le répondeur. On s'est bien marré, dis donc. Hein. Ah ouais. Belle demande. Ah, belle demande. Bon, allez, c'est parti pour le top tweetos. Lequel sera numéro 1 ? Eh bien, on va le savoir maintenant. Numéro 5. Alors, ça charge une seconde. Ah bah oui, mais enfin bon. Ah bah oui, mais bon. Alors, ah bah il est en train de se gratter le cul. Ouais. Alors, bon, alors le numéro 5, je pénètre ta touche. Manique ta mère. Bon, dis donc, numéro 4. Oli Fun. Numéro 4, numéro 3, pardon. Fred S. Numéro 2. Elliot. Et enfin, si le numéro 1 n'a pas encore gagné à ce moment-là, il repartira avec un sextoy offert par... Face à jeudesir.fr. Dans le cas contraire, évidemment, on offrira au numéro 2, 3, 4 et ainsi de suite. Qu'est-ce que ce soit quelqu'un qui n'a pas encore gagné, qui est le numéro 1. C'est Drakit. Drakit qui a déjà gagné, me semble-t-il. Mais ou pas. Oui. Oui, très bien. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin alors, ceux qui n'ont pas encore gagné. Elliot, il me semble qu'Elliot n'a pas gagné encore. D'accord, bah, au pire, ce sera Elliot, voilà, qui repartira avec un sextoy offert par... Passagedudésir.fr. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir. Vous avez été énormément nombreux sur le Twitter et le Facebook. Et puis, ouais, bah, derrière la radio, dans l'absolu aussi, il y avait pas mal de monde au standard avec Lola qui était là. Il y avait la petite fée. Il y avait l'Alien également. Il y avait Logan. Il y avait Arby, Benji, de Gamer Flogs. Il y avait Alex. Il y avait Marikel. Trend Lover qui était là également. Alias Ayoub. Echo, Orgegasmi, Koskal, Camélis, etc., etc. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de Megumi. Je m'inquiète, ouais. Megumi. Qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'amène? Où est-ce que t'es passé, Megumi, dis donc? C'est longtemps qu'on t'a plus entendu, là. Petite asiatique de Megumi. Étonnant, étonnant. Bon, bah, si vous avez des nouvelles de Megumi, dites-lui qu'on la cherche. Et nous, on se retrouve demain en pleine forme sur Fun Radio. Évidemment, comme d'habitude, ce sera à partir de 23h. Je souhaite une bonne nuit. Gros bisous. Bon courage pour ceux qui démarrent demain le taf ou les cours. Et puis, amusez-vous bien pour tous ceux qui sont en vacances. Rendez-vous demain dès 23h et puis toute la journée, bien entendu, sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. On va se quitter avec le générique de fin, bien entendu, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton nom, j'en étais un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Le bite sur ta gueule. Fils de putain là. Tu me casses les couilles là. Va niquer ta mère là. Ah. Culé là. Culé là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Connard. Culé là. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. C'est ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser toi, hein. Culé là. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, toujours une finale par notre ami Lilou, bien entendu. Bon, bonne nuit, donc je le répète, bonne nuit, rencard demain à partir de 23h sur Fun Radio. Ciao, et passez le message à vos potes demain. Ouais. On a eu, si vous y allez, évidemment, qu'il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Finis les émissions chiantes, on est là de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio.